Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Fantasticast, le podcast qui une semaine sur deux ou sur trois en l'occurrence vous parle de cinéma fantastique. Je suis Corentin et pour le nouvel épisode, l'épisode de la rentrée, on est avec Roman. Roman, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va très bien, ce début d'année 2023, ça a été les fêtes de fin d'année, pas trop d'excès quand même. Pas trop d'excès. Tu te rappelles de ton nouvel an? Oui. Pas moi. Non, vous avez vu la semaine dernière, on n'a pas fait d'épisode, l'euphorie des fêtes de Noël, on avait prévu un épisode, mais on va dire... On veut enregistrer en direct, en présentiel, puisque c'est le terme mis à la mode depuis 2020, mais on veut enregistrer en présentiel, on ne veut pas enregistrer à distance pour éviter tout simplement des petits problèmes d'enregistrement, et tout le monde, parce que c'est plus convivial, et donc on s'est dit, on annule l'épisode, on reprendra notre rythme de croisière à partir de cet épisode-là. Et donc l'épisode, Roman, c'est toi qui as eu l'idée de cet épisode, il y a de cela 2 mois, si je dis pas de bêtises, tu l'as vu en novembre, et je te laisse expliquer le concept de l'épisode. Et bah donc c'est un épisode participatif, c'est-à-dire que c'est vous, nos chers auditeurs, nos chers abonnés Instagram en l'occurrence, qui nous avez conseillé des films, et on en a choisi dans le lot. Faut savoir qu'on a eu beaucoup de propositions, beaucoup de genres différents, on a eu aussi beaucoup de pays différents, ce qui est pas plus mal. Alors on se retrouve au final avec une sélection quand même très américaine. Très américaine. Si je dis pas de bêtises. Il y a Jane Doe qui est irlandais. Irlandais ? Il est irlandais, Ovodal ? Il est irlandais. Ovodal, je ne sais pas, mais le film est irlandais. Ok. Et on est vraiment avec une sélection plutôt éclectique. Faut savoir qu'aussi on a eu un changement de dernière minute. À la base, dans la sélection, on avait Caniche de Bigas Luna, mais suite au désistement d'un des membres, celui-là, je ne le outerai pas. Ah non, c'est britannique, Jendo. Britannique, voilà. Qui, suite au désistement d'un des membres, pour des raisons très légitimes, on va pas en parler, même si je suis sûr que dans une rétrospective Bigas Luna sur le site, j'en parlerai, parce que Caniche, c'est étrange, mais c'est très bien. Mais donc, on a eu un remplacement qui est très goûtu, un remplacement que j'aime beaucoup, qui est goofy, pour reprendre un mot à la mode. Qui m'a donné l'occasion de voir le film, justement. Un film culte. Et donc, on a... Alors, lequel de nous doit démarrer sur cet épisode? C'est moi qui démarre. Alors, est-ce que tu veux outer tout de suite les 6 films qu'on a retenus? Outons les 6 films. Le premier dont on va parler, c'est Mausoléum de Michael Degan. Ensuite... Suivi de Démon de Lamberto Bava. Du grand Lamberto Bava. Suivi des Willys de... Brian Peck. Suivi de The Faculty de Robert Rodriguez. Robert Rodriguez, donc beaucoup de films avant 2000. Ouais. Et on en a deux post-2000 qui sont... Arak Attack de Hilary Alkayem. Tu peux me dire le titre complet, s'il te plaît? Arak Attack, les monstres à 8 pattes. Voilà, j'aime beaucoup ça. Et The Autopsy of Jane Doe, ou... Jane Doe Identity, en VO, j'ai jamais compris ce En français. Jane Doe, c'est le titre français? Ouais. Moi, j'ai juste noté Jane Doe. Qui est donc sorti en 2016. Réalisé par... André Ovredal, ouais. qui est aujourd'hui un petit protégé de Del Toro. Oui, si je ne dis qui pas a produit son dernier film. Scary Stories to Tell in the Dark. Que j'aime beaucoup. On en reparlera lorsqu'on y sera. Donc, je te laisse démarrer avec Mausoléum. Est-ce que t'as le nom de la personne qui l'a proposé? Alors, Mausoléum, si je me trompe pas, c'est Camille de L'Horreur est humaine. Je crois aussi, on va vérifier en parallèle. Oui, mais il me semble que c'est Camille, donc big up à toi Camille. Merci de nous l'avoir proposé, enfin on dira après si on remercie, tu vois, voilà. C'est... Donc Mausoléum est un film réalisé par Michael Degan, qui a notamment réalisé un film qui s'appelle Raging Hormones. Je sais pas si j'ai envie ou pas, parce que vu Mausoléum. Voilà, donc sorti le 13 mai 1983 aux États-Unis. Écrit par Robert Varick, qui a écrit seulement sur ce film et qui a bossé seulement sur ce film dans sa vie. Robert Madero, qui a écrit le film Crack, putain de drogue. J'adore trouver des titres comme ça. Au moins tu sais où tu mets les pieds. C'est ça. Tu sais où tu mets les pieds. Et Catherine Rosenwick, qui n'a rien fait d'important. Au casting, on retrouve Marjo Gortner, qui a joué dans Star Crash et dans Soudain les monstres. Bobby Brazy, qui a joué dans Surf Nazi Must Die. Je vois l'affiche de ce truc, je me suis toujours refusé à le voir. Que j'ai pas vu non plus. Qui a joué dans Ghoulies, dans un épisode de la série Charlie's Angels. Incroyable, Ghoulies. C'est les Gremlins dans les toilettes. C'est vrai, c'est ça. C'est génial. Et dans un épisode de la série Wonder Woman. Avec Linda Carter. Peut-être la vieille série. Je sais plus, c'est Linda Carter, le nom de l'actrice. Je peux me tromper. Mais celle qu'on voit dans Wonder Woman, dans l'horrible Wonder Woman 84, tout à la fin... Série très drôle, le générique est très drôle, je t'invite à le regarder, c'est très très drôle le générique. On a aussi Maurice Cherbani, donc, qui a joué dans Proposition Indécente, dans Urgence, dans MacGyver, beaucoup de séries, L'Agence Tout Risque, Wonder Woman encore une fois, ou dans le téléfilm L'Homme qui valait 3 milliards. Il y a eu un je connais la série, je savais pas qu'il y avait un téléfilm. Voilà. Et surtout, le gros vétéran de ce film, c'est Norman Burton, qui a joué dans le 7ème James Bond, Les Diamants sont éternels. Ouais. Qui est le dernier avec Sean Connery. Qui est pas mal d'ailleurs, que moi j'aime bien. Qui... Bah, le truc c'est qu'il passe vraiment juste après au bah, service secret de sa majesté. C'est le problème, c'est qu'il passe après un, qu'il passe après un des meilleurs, mais je trouve qu'en tant que tel il s'en sort pas si mal. Je t'avoue que ça fait très longtemps que j'ai pas vu. Bah on va dire que James Bond, c'est pas le sujet, mais si tu prends en référence les Pierce Brosnan, t'as... tu peux niveler par le bas quoi, tu peux niveler par le bas. Et bah, je t'avoue que mon préféré ça reste Daniel Craig. Ça se tient. Qui a joué aussi dans La Planète des Singes 1, 3 et dans la série. Qui a joué dans La Tour Infernale, dans Bloodsport, dans La Quatrième Dimension, dans Ma Sorcière Bien-Aimée. Un routier. Quelqu'un qui connaît, qui... Quelqu'un qui est là dans le métier, qui le connaît bien. Voilà, dans Les Incorruptibles, la série. Et dans un épisode d'Arabesque. Eh ben écoute, j'ai envie de te dire qu'on commence à avoir un fil rouge. Je sais pas si je l'apprécie beaucoup, mais pourquoi pas. Voilà. À la musique, on a Jaime Mendoza Nova qui a composé la bande originale de Terreur sur la ville, The Town That Dreaded Sundown, en VO. Ah oui, son, dont on avait parlé dans l'épisode, enfin dont on avait parlé, dont genre, on avait lancé le nom dans l'épisode Slasher, si je dis pas de bêtises. Et à la photo, on retrouve Robert Barry, qui est le scénariste. Quand je te dis qu'il a bossé sur ce film, il a aussi aidé Je vais commencer à lui en vouloir personnellement pour sa photo, en revanche. Et je parlerai des effets spéciaux plus tard, quand on en parlera, et des maquillages. Oui. Mais donc, toi, qu'est-ce que tu penses du film? Bah alors en fait, ah bah, tu, peut-être un petit synopsis pour expliquer Mausoléum. Un petit synopsis, bah il y a un moment, il y a une gamine qui va dans un mausolée. Bah une gamine dont la mère est morte, possédée par un démon, oui. Qui va dans le mausolée familial et qui, 30 ans plus tard, commence à montrer des signes similaires à ce que sa mère avait en son temps, on va dire. Le problème que j'ai avec Mausoléum, alors bizarre, moi l'affiche claquait, j'étais chaud bouillant pour le voir. Maintenant, Mausoléum, je vais pas mentir, c'est-à-dire que quand je l'ai vu, je me suis vraiment dit que c'était écrit comme un porno. Mais c'est pas une blague, c'est-à-dire que c'est écrit comme un porno et filmé comme une pub cornflakes. C'est assez amusant parce qu'en fait, c'est-à-dire que la lumière est dégueulasse, on peut se le dire, sauf dans le mausolée. Je trouve que dans le mausolée, ça a un petit peu oui, de gueule. Oui, et dans le grenier, vite fait aussi. Ouais, très vite fait. Après, c'est vraiment écrit comme un porno. Après, le mausolée, t'as vraiment juste une lumière rose pour les vitraux, enfin pour le dehors et une lumière verte pour dedans, quoi. Ouais, mais c'est très bien. Oui. Ça m'a fait penser un peu à Vampire, qu'est-ce qu'on a dit Vampire? Vampire, vous avez dit Vampire, dans la cave. Oui. T'as un peu le même principe. Après, on est bien loin du prestige de ce film, on va dire, parce que, littéralement, le principe c'est quoi? C'est-à-dire, c'est une femme possédée par un démon qui va avoir des envies de meurtre assez irrégulières, quand même. Oui. Des gens vont venir chez elle, être chauffés par cette même dame, se faire tuer, et ça, 3-4 fois dans le film. Voilà. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ça a vraiment un côté, le plombier arrive, tu vois, c'est... Et en fait, tu fais « waouh ». Même si, dedans, il y a une scène qui, m'a fait beaucoup rire, quand même. C'est un moment, t'as une dame qui vient chez elle, je crois que c'est la dame de ménage, qui vient chez elle, qui voit qu'il y a un truc bizarre qui se passe dans la chambre de la fille possédée par le démon, et qui se dit « je m'en vais ». Et quand elle part, il y a une petite musique un peu rigolote qui passe, genre « et elle s'en va. Et juste, elle part. Et j'ai vu, d'ailleurs, grâce à ça, elle a le titre, encore aujourd'hui, de personne la plus intelligente d'un film d'horreur. Donc pourquoi pas. Maintenant, Mausoléum, moi, ma grosse déception, c'est que y a pas grand-chose à se mettre sous les dents. C'est-à-dire que si tu veux des effets spéciaux un peu cool, il y en a, mais sur les 30 dernières minutes... C'est ça, ouais, ça arrive tard, quoi. Ça arrive vraiment tard, et surtout, ça dure 1h40. Alors, je vais pas détailler là maintenant, mais en fait, je suis en plein dans les rattrapages de films d'horreur de 2022, pour le bilan de 2022, que je prépare, qui sortira, ouais, février-mars. Hein, février-mars, une belle fenêtre de sortie. Et... Je ne peux pas faire de rattrapage. Moi, j'ai un panel de genre 60 films, ça me suffit. Ça se tient. Faut arrêter avec les films de plus d'1h30. Vraiment, c'est... Le film dure 1h40, je crois, il dure 1h38, il y a un truc comme ça. Ouais, 37, je crois. Et sans rire, ils auraient pu enlever, ouais, 20-25 minutes. Parce que le film est long, le film est... En fait, le problème, c'est que... On a un autre film de gens qui se font posséder par des démons et qui mutent, que je trouve un milliard de fois plus fun. Après, je sais pas quel était le budget de Mausoléum aussi. Mais Mausoléum, en tant que tel, je regarde le film, je reste... Je lève un sourcil devant quelques scènes un peu rigolotes. Mais est-ce que j'ai envie de le revoir là maintenant? Non. Et est-ce que les années 80 ont produit mieux en termes de films un peu... De possession un peu rigolo? Je pense à Night of the Demons, que moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le 1 et le 2 d'ailleurs. Que j'ai pas encore vu, qui s'appelle Demon House en français. Ouais, j'aime beaucoup le 1 et le 2. Je les ai en DVD, je les ai pas encore vus. Mais c'est pas un film que j'ai envie de pour lequel j'ai envie de mourir sur une colline, on va dire. Même si, de ce que j'ai vu, des avis critiques, tout le monde s'en met d'accord, c'est-à-dire, c'est pas fou. J'ai vu le remake, par contre, de Night of the Demons. Et il est horrible. C'est pas fou. Après, je l'avais vu avec un pote et j'avais 13 ans, donc... Il est horrible. Mais j'ai vu que tout le monde se met d'accord sur un mausoléum, c'est-à-dire, c'est pas fou, mais il y a des saints qui se transforment en démons, donc c'est un peu rigolo. Mais au global, c'est pas fou. Et toi, mausoléum ? Mausoléum, eh ben, je vais être assez rapide, c'est-à-dire que, bah, globalement, c'est un film qui peut être sympathique, mais qui est très mou, déjà. C'est vraiment mou, et ça vole pas vraiment haut. La mise en scène, elle est pas folle, mais elle est fonctionnelle, on va dire. C'est... Ouais, même fonctionnelle, enfin, je sais pas, t'as aucune iconisation de la fille. Par exemple, moi, la scène où elle va chez le psy, là, et tu sais qu'elle, d'abord, elle revient en stade enfant, ensuite, elle se transforme en démon. Ouais. Qu'est-ce qu'il en fait ? Bah rien. Et moi je regarde ça, je fais mais pourquoi tu... Surtout le jeu d'acteur. Oh, le jeu d'acteur. Oui, non, c'est ça. Généralement les personnages qui vont chez des psychologues, je me suis habitué à avoir des merdes. Hein, mais genre. Oui, non, mais il y a du jeu de Tommy Wiseau là. C'est. Ouais. Mais. You're tearing me apart, listen. Mais tu dis mais genre pourquoi c'est. Enfin, il en fait rien. Ça, il y a des scènes qui pourraient être super chouettes, même la scène dans le mausolée, tu vois ça. Un peu gothique, un peu cool. Enfin, ça pourrait être un peu gothique. Mais il en fait pas grand chose, je trouve ça vraiment faiblard. Et sur les effets spéciaux, je trouve que moi au début du film, je viens de me rappeler, elle regarde le mausolée, t'avais une espèce de flamme numérique autour. Horrible, horrible, c'est dur. Ouais, bah c'est. Enfin, les effets, ouais, c'est. Il y a la scène de transformation qui peut prêter à sourire avec sa superposition d'image assez chelou. C'est. Je sais pas si tu te rappelles, mais pour filmer la transformation, je pense qu'il y avait pas le budget pour un animatronique ou quoi. Du coup, en fait, t'as les images qui se superposent et qui se calquent après. Voilà, c'est. Un procédé classique. Moi, ça fait sourire. Ça fait voilà. Sourire. Mais qui révèle un monstre quand même assez sympa. Faut dire ce qu'il est. Bah, le problème, c'est qu'il souffre de la comparaison avec un autre film dont on va parler. Que moi, j'adore vraiment de tout mon cœur. Le film suivant ? Peut-être. Là où. Je trouve ça super timide, en fait. Ça manque de vrais trucs à se mettre dans ce truc. En fait, j'ai enchaîné les deux, je te cache pas que c'était pas l'avantage de celui-là. Et avec on a une musique qui juste accompagne mais qui est pas marquante pour un flèche quoi et voilà des trucs à dire. Alors du coup tant qu'on est sur les maquillages et les effets spéciaux, donc les effets spéciaux on les doit à Roger George qui a fait les effets de Demon House, enfin de Night of the Demon justement. C'est cool. Enfin, Night of the Demon, Mausoleum, vous pouvez jeter un oeil si vous voulez, on vous dira après où est-ce qu'il est disponible, mais si ça peut surtout vous permettre de, enfin, je vous conseille surtout, à peu près dans la même gamme d'horreur un peu rigolote des années 80, Night of the Demons, enfin, il y a une trilogie originale, si je dis pas de bêtises, puis un remake. Autant le remake et le 3, perso, sont vraiment dispensables. En revanche, le 1 et le 2, je vous les conseille vraiment, c'est des super films, notamment à voir à Halloween, c'est très très très sympa. Ok, bah, je note. Qui a bossé aussi sur Munchies. Munchies. Une espèce de sous-gremlins. Un des nombreux sous-gremlins. Un des nombreux sous-gremlins, ouais. Un film, alors, je l'ai noté juste pour le titre, Le Striptease de la Mort. Sorti quand ? Dans les années 80 ? Ouais, 80, ouais. Ah, y a pas à dire, on savait faire des titres à l'époque. Sur Extra Sensu, Night of the Creeps, en anglais. Que j'ai jamais vu, mais jamais vu, qui me tente vraiment beaucoup. Sur Chopping Mall. Qui est bien. Sur Ghoulies, on y revient. Si jamais en fil rouge, on se chope Arabesque et Ghoulies, ça va être compromettant quand même. Hein. Sur Terminator. Les pierres. La pierre. Bah non, je pense Terminator, il devait être dans la 17ème équipe, c'est genre... Ouais. Sur le Mutant, tu sais, la prod Corman. Qui est ressorti récemment en Blu-ray. Oh putain, ouais, non. Avec une espèce de grosse araignée là sur l'affiche. Ouais, non. sur Hurlement, sur Les Monstres de la Mer, sur Les Gladiateurs de l'An 3000, Blacula et Dunwich Horror. Ça va, ça va, il est bonhomme, il est bien. Et les maquillages, on les doit à un certain John Carl Buckler. Qui est ? John Carl Buckler qui est le réal de Troll, de Vendredi 13 chapitre 7, et de la Formule Eden. Le truc de dinosaure. Ouais, la Eden Formula, ouais. La deuxième suite non officielle de Carnosaur. Oh. Et il a aussi été maquilleur sur Halloween 6, sur Tamiya the T-Rex. Ah yes! Masterclass. Sur Réanimateur 1 et 2, sur Dolls, sur Freddy 5 et 6, donc gros CV. Il est bon. Et sur les effets spéciaux de Ghoulies. On se chope vraiment le fil rouge que j'aime pas. Alors, de Ghoulies 1 à 3, je précise. Quelle chance. De From Beyond. Le 3, je crois qu'ils vont aller. Je crois que le 3, c'est celui qui se passe dans un lycée. Je crois, ouais. Ghoulies Go to High School, je crois. Ah oh, putain, désolé. Mais Karim Demache, le renomme, était-ce vraiment nécessaire 2. Mais Ghoulies, faut le voir, hein, parce que Ghoulies, sans déconner, c'est... Enfin, faut imaginer, dans les sous-gremlins, il y en a eu beaucoup, mais les deux plus connus, c'est Critters. Critters, ça va. Critters, moi, j'aime bien les... J'ai pas encore vu. J'aime bien les deux premiers. Je trouve les deux premiers sympas. Après, ça part trop loin. Et Ghoulies, alors, c'est pas très connu en France, j'ai l'impression, mais aux États-Unis, c'est beaucoup plus connu. Et en fait, c'est Gremlins, mais dans des chiottes. Et vraiment, c'est... Bah, était-ce un nécessaire, je te dirais. Je crois que c'est Goulis go to college, pas high school. Peut-être. Mais je te dirais que moi, Goulis, genre, dès le 1, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Bah, spoiler, non. Parce que vraiment, c'est un film qui est pas de mauvais goût, mais pas loin. Qui est vraiment sale. Qui est vraiment. Ouais, t'as un peu de mal à le défendre publiquement, tu vois, tu vas pas prendre la parole et faire « Écoutez, Goulis, on va en parler. » Tu vas pas faire ça. Écoutez, Logan Paul. non. Mais ouais, non, Goulis, c'est assez à la fois fascinant et en même temps un peu répugnant quand même. Voilà, et aussi sur donc From Beyond, Dolls, Freddy 4, Halloween 4, Indiana Jones 3 et Butcher. Ça va. Il y a pire, enfin, déjà quand t'as fait Butcher, ça va, quand t'as voilà. fait Butcher. Voilà, ouais. Joker Buckler. C'est un peu un héros de l'ombre qui est forcément étouffé par les. Butcher, par c'est Hatchet. C'est Hatchet en VO, c'est Butcher en français, ouais. Pardon. Donc il est un peu dans l'ombre de Tom Savini, des trucs comme ça. Mais qui a quand même. Qui sait envoyer quand il faut et qui, visiblement, aime bien le sale. Le sale. Et il a réalisé Vendredi 13 7, qui est quand même assez bon Vendredi 13, je trouve. Ouais, c'est celui avec la fille qui a des pouvoirs. C'est ça, ouais. Ouais, ça fait longtemps que je me suis pas fait les Vendredi 13, dans mes souvenirs c'était pas le meilleur, mais j'ai envie de dire que... C'est pas le pire. J'ai envie de dire qu'un bon Vendredi 13 sera toujours moins bien qu'un mauvais Freddy, perso. Mais... Bah le truc c'est que l'avantage de celui-là c'est qu'il arrive avant... Le 8. Le 8, qui ouais, est le pire. Le 8 c'est compliqué. Non mais après Mausoléum, moi ce qui est amusant c'est que... Il est dans ces trucs, j'ai pas vécu dans les années 80, mais c'est vraiment un film, j'ai aucun mal à imaginer... La jaquette en vidéoclub, mais j'aurais pété un câble. Parce que, vraiment, vous voyez l'affiche, l'affiche est vraiment magnifique. C'est... Ouais, l'affiche est vraiment belle. Elle claque et on va dire que le film est un peu décevant par rapport à l'affiche. Mais c'était ma foi fort sympathique de le découvrir. Et c'est pas non plus le pire film qu'on a pu voir à cette période. C'est très innocent. Et puis moi, il y a un truc qui me fait toujours rire, c'est les yeux colorés, mais très très colorés. Oui. Moi j'avoue que très vert. Très très vert, je suis toujours un peu goofy. C'est un peu rigolo. Alors j'ai trois anecdotes sur le film. Vraiment du rêve. Alors, donc Bobby Breezy qui joue la femme, on a oublié le nom, hein. Oui, je ne sais pas qui c'est. Donc qui joue la femme possédée, quoi, a reçu des cours de coaching vocal pour faire la voix quand elle est possédée. Bah écoute, acteur studio, ma gueule. Ouais, mais des cours par Mercedes McCambridge, qui est la voix du démon dans L'Exorciste. Ah oui, donc elle a vraiment poussé le truc. Voilà. Elle s'est dit, ok, film occulte, les gars. Le film est produit par le Youpidon Michael Franzese. Un ancien capot du crime de la famille Colombo qui fait partie de la mafia new-yorkaise, et ce film a été un moyen pour lui de blanchir de l'argent. Bah écoute, je pense que juste pour ça le film devient intéressant. C'est que quand tu regardes le film, tu dis là je participe passivement à du blanchiment d'argent. Et dernière anecdote, lors du tournage de la scène de sexe, des gradins avaient été installés pour que l'équipe technique puisse en profiter. Voilà, tu disais que c'était tourné comme un porno. Oh putain, ouais, c'est un porno. Voilà. Quel plaisir. Parce que oui, il y a une scène de sexe qui est là. Qui... Bah, c'est tout ce que vous pouvez attendre d'un porno des années 80. Quoi. C'est... Voilà. Il y a la lumière, l'éclairage, la musique et tout ce que vous voulez. C'est ça. Et on se met vraiment beaucoup à la place de l'actrice. Ça a dû être génial pour elle. Ça a dû être un grand moment de solitude. Non ouais, donc Mausoléum sympa, maintenant que je sais qu'il a servi à blanchir de l'argent, je me dis que au moins... L'argent de la mafia new-yorkaise. Je me dis que au moins j'ai aidé quelqu'un en le voyant, et finalement... C'est pas l'argent des Balkany, hein, c'est... Finalement, j'ai fait une bonne action. J'ai participé à quelque chose de bien, pas forcément de légal, mais de bien. C'est ça. Ok, bon, on peut passer au suivant. On dit juste où c'est dispo. Oui, où c'est dispo, bah c'est... Alors, sur YouTube. Sur YouTube, ouais, en VO et en VF, voilà. Les deux. Il est dispo en Blu-ray aux États-Unis et au Canada, édité par Vinegar Syndrome. C'est zoné ou pas, Vinegar Syndrome? Je crois que c'est zoné. Alors, je crois pas, non. T'es sûr? Bah, c'est eux qui ont édité le Blu-ray et le 4K de 36 Scott Père Noël, que j'ai acheté ces deux et que j'ai pu voir... Du coup, c'est pas zoné. Je crois que c'est pas zoné. Ok. Il est dispo, donc c'est seulement en VO, c'est en anglais, par contre. Il est dispo sur Tubi, et donc, comme on a dit, sur YouTube et sur Plex. Voilà, donc il y a... Vous pouvez le voir assez facilement, ma foi. Voilà. Et donc on passe au suivant, le plat de résistance de cet épisode. On passe en 1985, plein milieu des années 80. Quel pays cartonne dans les années 80 avec de l'horreur bien craspec, bien rentre-dedans? Les Italiens. Alors, malheureusement, on pourrait parler de Dario Argento, il est un peu dedans, mais on va pas forcément parler de lui. On va pas forcément parler de Mario Bava, on va pas forcément parler de Michele Soavi. Ou de Fulci, on pourrait parler de beaucoup de bonhommes. Ouais. On pourrait même parler un peu d'Umberto Lenzi. Mais on va parler du... comment dire, du cas compliqué. C'est un cas à part qui est Lamberto Bava. Alors, Lamberto Bava... Le Goro Miyazaki de... alors, on n'est pas à ce niveau-là, mais il y a de ça, quand même. C'est-à-dire que c'est le fils de Mario Bava. Alors, Mario Bava, on ne le présente pas, c'est titre... Enfin, nom cultissime de l'horreur italienne. J'en ai vu très peu, je crois que j'en ai vu 4. Une hache pour la lune de miel, 6 femmes pour l'assassin, la baisse. J'en ai vu 5. Bah, vraiment, choc ou aussi. Choc, j'ai vu. Attention. La planète des vampires, j'ai vu. La planète des vampires, et c'est. La science à trop. Panique. Opération. Non, c'est pas Opération Peur. Ouais, enfin. C'est vraiment un grand nom de l'horreur italienne. Et sans doute. Qui a commencé très tôt, hein, Le Masque du Démon, c'est 60, je crois. Ouais, c'est en noir et blanc, le premier, ouais. C'est pas de bêtises. Et vraiment, Mario Bava, je pense, on peut le dire, est un génie. Ou en tout cas, est un excellent réalisateur. C'est-à-dire, sur le plan technique, il a des compositions de cadres hallucinantes. Dès Le Masque du Démon, ça se voit. Il sait faire des films d'horreur, il aime ça. Et vraiment, c'est quelqu'un qui a produit parmi peut-être les meilleurs films d'horreur italiens de cette époque. Maintenant, son fiston, c'est pas la même. C'est-à-dire que son fiston. C'est pareil, mais version teubée. Pourquoi ? Alors, je vais commencer par dire. Alors, Lamberto Bava, moi, je l'ai découvert. Je l'ai découvert avec Démon 1, justement. Je vais revenir à ça plus tard. Mais juste après, j'avais enchaîné avec La Maison de la Terreur. Alors, La Maison de la Terreur, c'est un film que j'ai longtemps fantasmé. Déjà pour son titre. Ensuite, pour son affiche. Bref, ce que j'ai su après, c'est que c'est une mini-série faite en remise en un film. C'est chiantissime. C'est un espèce de giallo un peu classe. C'est ultra chiant. À un moment, t'as un mec, il est dans des buissons, il a un cadavre à ses pieds. Mais vraiment à ses pieds, il le voit pas. C'est assez fascinant. Il y a une scène de meurtre chouette dans une salle de bain, qui est assez chouette pour le coup. Okay. Après, Lamberto Bava, c'est quelqu'un qui a du dossier quand même. Il a quand même fait Apocalypse dans l'Océan Rouge. Enfin, que moi j'aime bien. Mais pour les mauvaises raisons. Il a fait Blast Fighter, que je vous invite à voir, qui est indescriptible. Il a fait Delirium, qui est compliqué. Bref, il a aussi fait un film qui s'appelle Twin, avec Gérard Depardieu. Alors, il l'a pas terminé, mais je vous invite à voir l'affiche, c'est grandiose. Alors maintenant, Démon, c'est quoi ? Démon, c'est un alignement des astres de ce qui peut se faire à l'époque. C'est-à-dire qu'au scénario, on a Dardano Sacchetti, j'ai toujours. Vous m'excuserez si j'écorche les prénoms italiens. Donc c'est quand même le scénariste, il a fait Le Chat à neuf queues, La Baisse Sanglante, Frayeur, Inferno. Bref, dans le milieu de l'horreur italienne de cette période, il pèse. On a Dario Argento, on ne le présente pas, je veux dire Opéra, Suspiria, Ténèbres, Trauma. Combien de films cultes a-t-il réalisé ? Beaucoup trop. On a Lamberto Bava lui-même et Franco Ferrini, en toute simplicité, c'est Sanctuaire, Phénoména, Opéra, Il était une fois en Amérique. Le scénario est fait par des bons. Au casting, on a quand même Michele Soavi, donc réalisateur émérite de Sanctuaire, La Secte, De la Morte et De la Morée, qui a viré un peu compliqué récemment, je vous invite à aller voir sa carrière. Le reste du casting est un peu moins connu toutefois, c'est peut-être l'endroit où ça brille le moins. Et à la musique, on a le grand, le magnifique Claudio Simonetti, Les Goblins, donc c'est lui, Zombie, Suspiria, Ténèbres, Profondo Rosso. Et également, on a des morceaux qui font toujours plaisir de Accept, Billy Idol, Motley Crue. En tant que métalleux, j'étais très heureux devant la musique du film. Maintenant, au FX, aussi rapidement, Sergio Stivaletti, Opéra, La Secte, Sanctuaire, Phénoména. Ok, bonhomme. Donc, un alignement divin, ce film ne pouvait que réussir. Et effectivement, le film réussit. Alors, c'est l'histoire de quoi ? C'est l'histoire d'une jeune fille qui va se faire offrir une invitation pour une séance mystérieuse dans un cinéma, et qui va y aller avec une de ses amies, le film va démarrer, et pendant le film, une dame va se retrouver à se transformer en démon, et va contaminer va commencer à contaminer le public qui est venu à cette séance, qui vont tous peu à peu se transformer en démon. Ce film est bête. Ce film est très bête, mais c'est un film que j'adore. Ah, c'est alors, pour rapidement démarrer, c'est un film avec lequel j'avais démarré, c'est-à-dire que c'est peut-être, je pense, avec Phénoména. Phénoména est un des premiers que j'ai vu, mais je pense que c'est celui-là que j'ai vu en premier. Mon pas d'entrée dans l'horreur italienne. Mais l'horreur italienne est un peu craspec, c'est-à-dire que c'est un film qui est bas du front, vraiment. Moi, une scène qui m'a toujours resté en tête, c'est la moto exposée dans l'entrée, qui est en réalité fonctionnelle. C'est toujours quelque chose que j'ai trouvé fantastique. Mais c'est un film dans lequel je prends un immense plaisir. Pourquoi ? Parce que sur la réalisation, Lamberto Bava est pas bon, c'est pas un très bon réalisateur, mais sur celui-là, ça se tient à peu près. Je trouve que sur Démon 2 aussi, il est pas mal, je parlerai de Démon 2 rapidement après. On parlera aussi vite fait. Les effets spéciaux sont magnifiques. Oui. Ça a tombé par terre. C'est vraiment le gros point fort du film, les effets spéciaux, les maquillages. C'est dégueu. C'est craspec, mais putain, c'est beau, quoi. Allez, vraiment, il n'y a que du prosthétique, aucun numérique, c'est magnifique. Et surtout, c'est un film, sans déconner, il dure 1h30. c'est tout ce que vous pouvez attendre. Enfin, vraiment, c'est ça, c'est comme ça que je le vends généralement. Tout ce que vous pouvez attendre d'une bisserie italienne des années 80 est dans ce film. Des personnages un peu bêtes, mais rigolos. Une BO parfaite. Des effets spéciaux magnifiques. Le seul défaut que je pourrais, enfin, le seul gros défaut que je pourrais trouver au film en le revoyant, c'est que je trouve un peu mal éclairé quand même par moments. Oui. Mais c'est un film dans lequel je prends un immense plaisir. Démon, d'ailleurs, Démon, on l'a pas dit, recommandé par Ethan, j'ai vérifié. Oui, c'est vrai. Bisous, Ethan. Ouais. C'est un film devant lequel je prends un immense plaisir. Mais vraiment, je sais que c'est pas un film qui est parfait. Mais je m'en fous. Vraiment, j'en ai rien à foutre. C'est un film que je pourrais le voir très souvent. Et c'est peut-être un de mes films d'horreur italien préférés de cette époque. À voir. Faut le mettre en comparaison avec sa suite aussi, mais on fait ça après. Toi, Desmoins, tu l'as découvert, c'est passé comment, Desmoins ? Alors, ça c'est... C'est, bien... c'est ton premier contact avec Lamberto Bava. C'est mon premier contact avec Bava. Bava fils. Voilà. Et c'est un film que j'ai bien aimé. C'est-à-dire que Desmoins, c'est un film que je trouve sympathique, mais il y a quand même un ventre mou, je trouve. Et à partir de quand, tu trouves ? Quand ils vont à l'étage dans le cinéma ? Ouais, alors j'ai plus le moment exact en tête, mais quand... Disons, genre 10 minutes après que t'es génère, quoi, à peu près. Oui, oui, bah c'est quand ils essaient de sortir du cinéma. Ouais. Bah c'est le temps que l'infection prenne un peu. C'est ça. Avant l'arrivée des punks, quoi. Après, précisons, le film dure 1h30, même pas 1h28, je crois. Ouais. Ça se fait tout seul. Oui, vraiment, 1h28, ça passe très très très bien. Mais je trouve que, ouais, l'intrigue peine à maintenir intéressé sur 1h30. Même si, enfin... Malgré la... Bah, ça, c'est le truc que je trouve génial, c'est-à-dire que c'est vraiment un alignement de stars, mais, enfin, même... On parle pas de star, genre de star du bis, c'est-à-dire que Argento, c'est un auteur qui a quand même, enfin surtout en 85, il était encore dans sa période genre Golden Argento, quoi. Voilà. Parce que son début de chute, moi je te le place à Trauma. C'est quelle année Trauma ? Trauma, c'est début des années 90, si je dis pas de bêtises, c'est les années 90. Parce que après Trauma, t'as eu le syndrome de Stendhal, t'as eu le fantôme de l'opéra, tout ça, mais Trauma, même si Trauma, je trouve, est encore un très bon film. Trauma 13, Trauma. J'étais pas loin. Ouais. Je trouve que Trauma est encore un très bon film. Mais tu vois déjà que ça commence à tomber. Mais là, en 85, je veux dire, Suspiria, c'était pas loin. Suspiria, avant... c'est 77. Ouais, je veux dire, Suspiria, après, il était encore dans la très très bonne période Argento. Ouais. Phenomena, c'est à peu près cette époque-là. Voilà ça, et surtout, Phenomena, qui est peut-être un de mes Argento de cœur. Il faut que je vois. C'est... Ah bah, c'est la même année 80, c'est incroyable. Mais vraiment, ce que je trouve génial, c'est cet alignement disons-le, de génie, je trouve, sans déconner, pour faire un film aussi con. Mais ce que j'arrive pas à savoir, c'est... Je suis sûr, parce qu'en fait, à la base, j'ai vu, c'est pas lui qui a écrit, c'est pas Bava qui a écrit le script. C'est justement, à la base, le script venait d'Ardano Sacchetti, à nouveau, excusez-moi si j'écorche le nom. Et c'est lui qui a eu l'idée, et je suis sûr qu'à la base, le truc était un peu plus smart, et que c'est Bava qui est arrivé qui a fait, les gars, posons les bases, faisons bête. Et on, enfin, tout le reste de la carrière de Lamberto aura prouvé que... Bébert aura prouvé que c'est pas quelqu'un de très intelligent, même si j'ai entendu dire, alors je ne le connais pas personnellement, mais que c'est quelqu'un qui a beaucoup de recul sur ce qu'il fait et qu'il est bien conscient qu'il n'est pas au niveau de Papounet. Donc, à voir. Mais après, maintenant, Desmond, j'ai envie de te demander ton avis sur un truc. Les effets spéciaux. Revenons dessus. Ah non, mais oui, les effets spéciaux, c'est magistral. C'est juste pour ça qu'il devrait être. C'est magistral. Vraiment, c'est... c'est ce que j'ai préféré vraiment dans le film, les effets spéciaux, les scènes de transformation, les dents notamment, cette scène avec les dents là. Les dents qui tombent, les doigts qui sortent, ouais. Et même, il n'y a pas que des effets de transformation, c'est-à-dire si vous aimez les effets de transformation un peu barges, il y a ça, mais il y a aussi y a des cheveux arrachés, il y a de la gorge tranchée, enfin, ça y va. Ouais. Les acteurs, bah, c'est des acteurs de l'époque, c'est-à-dire que, enfin des acteurs de films d'horreur de l'époque, c'est-à-dire que les hommes sont grands baraques, voilà, et les femmes crient beaucoup trop. Je crois qu'il y a pas, surtout. En revanche, un truc qu'on peut donner au film, c'est un film qui, parce qu'en fait, une question qu'on peut poser sur les réalisateurs de cette époque, je pense surtout à Argento, c'est, ben, on en parlait juste avant, c'est Dario Argento, trois petits points misogynes, point d'interrogation. Alors ça, tu le connais mieux que moi, donc je te laisse. En fait, Argento, je ne pense pas qu'il le soit. Je ne pense sincèrement pas qu'il le soit, mais les giallos ont toujours mis un point d'honneur à tuer des femmes, en priorité. Et on peut poser cette question, parce qu'il y a certains films où ça devient quand même très gratuit. Et là, c'est un film où... Après, aucune femme n'est sexualisée, je trouve. Il y a la punk qui a de la coke sur le nichon. Ouais, bon, ouais, non, ok, ouais, je retire. Bah, écoutez, je retire tout de suite ce que je viens de dire, juste pour cette scène. La coke sur le nichon, c'est compliqué. Parce que, là, en fait, j'avais la scène où, tu sais, t'as le grand bonhomme noir, là, qui passe limite pour un beauf. À claquer, on va dire, le postérieur de sa copine. Mais ouais, la scène de coke sur le nichon avec la punk qui se mord les lèvres au point de se bouffer les dents, ouais. C'est... Non, je retire tout de suite ce que je viens de dire sur le féminisme du film. Ne faites pas attention à ça. Et les punks, ils sont pas bons aussi en acteur. Mais justement, en parlant de punk, bah, ça m'a quand même beaucoup fait penser au Retour des morts vivants. C'est le même esprit, c'est le même esprit. Après, je sais pas si c'est avant ou après, mais c'est le même esprit. C'est la même année, c'est 85, le Retour des morts vivants. Les années 80, c'était bien quand même. Voilà, c'est-à-dire que vraiment, t'as un. Les démons, c'est une raison de zombies. On va être honnête. Ouais, c'est des démons qui courent et qui mordent. Hein. C'est... Voilà, donc c'est une invasion de zombies, c'est transmissible en plus. Donc voilà, c'est des démons à la Evil Dead, mais qui agissent comme des zombards. Et qui sautent aussi. Notamment dans le 2, dans un garage. Et oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens enfermés dans une pièce en proie avec. En proie à une invasion. En proie à une invasion. Une invasion contagieuse. Et t'as un groupe de punks sous substance. Des punks, quoi. Des rennais, police. Des rennais. En fait, c'est une métaphore de la France. T'as les habitants de Rennes qui viennent foutre le bordel. Vous avez assez de cette bande de punks. Vous avez assez de cette bande de racailles. Non, c'est... Après, quelque chose que je me suis demandé en voyant le film, c'est à quel point est-ce qu'il avait voulu faire un film de zombies, en fait. Parce que le film s'appelle Démons. Ce sont des démons dans le film et il va jamais dire autre chose. Mais... Tu l'as dit toi-même, c'est un film de zombies. C'est tous les codes du film de zombies. Ouais, et le 2 va encore plus dans ce sens. Je veux dire, le 2 est encore plus un film de zombies avec quasiment des plans qui sont des. Genre les plans des escaliers et autres. Ouais, ouais. D'ailleurs, le 2, je trouve que. Enfin, c'est un peu du même avec le 1, voire moins bien. Bah, en fait, tu veux qu'on passe sur le 2 tout de suite ? Bah, ouais. Moi, j'avais un dernier truc à dire sur le 1. Vas-y. C'est que sur le 1, j'ai parlé rapidement de Claudio Simonetti. Moi, j'avoue que je suis un énorme fan des Gobelins. La BO qu'ils ont fait pour Suspiria, c'est peut-être un des BO que j'écoute le plus. Même si, il faut savoir qu'elle me revient en tête dans des moments très inappropriés. Genre, par exemple, lorsque je rentre chez moi seul le soir. Ce qui donne une espèce d'ambiance très particulière. Je cache pas que l'autre jour, j'ai pris un Uber, elle passait. Ça mettait une ambiance très. Tu sais, le début de Suspiria dans le taxi, là. Ouais. Et en fait, voilà. La BO de Démon est incroyable. C'est pas une blague, c'est vraiment au-delà de la BO rock, qui moi à nouveau personnellement, White Wedding de Billy Idol dans la voiture des punks, je dansais. Et la BO de Démon, c'est pas une blague, le thème principal est excellent. Vous pouvez l'écouter tranquillement. Et sur le 2, rapidement, alors le 2 qui est sorti un an plus tard, ouais. C'est la même équipe, à l'exception près qu'on n'a pas Claudio, on n'a plus Claudio Simonetti à la musique, on a Simon Boswell. Bon, ça va, c'est quand même le bonhomme qui a fait Lord of Illusions, Bloody Bird, Santa Sangre. Ça va. Au casting, on a... Alors, je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas. Moi, je l'aime bien, mais je ne sais pas si c'est pour des bonnes ou des mauvaises raisons. Asia Argento. Toi, est-ce que tu es pro-Asia ? Alors, je... Je veux que tu dises je suis pro-Asia. Je suis battage de couilles d'Asia, vraiment, j'en ai un peu rien à... Si t'avais dit j'étais anti-Asia, sache que j'aurais clippé ça pour en faire un document compromettant. Non. Et en fait, alors, le 2, pour expliquer le scénario, c'est pareil, mais dans un building. Et... pour moi, si je résumerais les deux, c'est que je trouve que le 1 est bête, mais se tient. C'est-à-dire que le 1, si on passe sur les personnages qui sont tous très cons... Est-ce que Démon 2, ça serait pas Evil Dead Rise ? Moins prétentieux, quand même. Bah, il est pas encore sorti, mais... Mais écoute, au moment où Evil Dead Rise sortira, on en parlera et on pourra faire la comparaison. Mais si jamais il y a un seul des plans de Evil Dead Rise qui ressemble à un plan de Démon 2, je serais le premier à faire « Eh, tes inspirations, mec, on les a vus. » Bah, est-ce qu'au moment où Evil Dead Rise sort, on se ferait pas une petite rétrospective Evil Dead ? On peut faire ça, écoute, en plus ce serait une rétrospective très simple à faire parce qu'il n'y a que de la qualité. Et c'est pas une blague, je maintiens, il n'y a que de la qualité. Oui. Et en fait, donc Démon 1 et 2, ce qui est génial, c'est que Démon 1, les personnages sont bêtes, certes, mais le film se tient. C'est-à-dire que c'est dans un cinéma, ils essaient de survivre, ils ont à peu près des réactions cohérentes. C'est juste que le film est bête, parce que vraiment j'ai parlé de la moto qui s'allume toute seule. J'ai pas parlé, pour laisser un peu de surprise, mais de l'hélicoptère qui arrive dans le cinéma, du treuil qui fonctionne alors que l'hélicoptère est visiblement fracassé, de Michele Soavi qui a un rôle... Il est là, il est posé là, je sais pas ce qu'ils ont c'est fait. C'est le mec avec le masque argenté, ouais. Avec le masque. La fin de Démon aussi, que moi quand j'étais petit, j'avais trouvé trop cool. Aujourd'hui, je la vois, je suis genre... Ok. Voilà, mais... Il se part en voiture, quoi. Non, elle se transforme. Ah oui, ouais, il se transforme, mais il la tèche de la caisse. Ouais, hein. Ça, il la jette genre comme un tas. Et la dernière image du film, c'est juste l'héroïne jetée comme un tas sur la route. Et donc, mais le 1 se tient. Le 1, ça marche à peu près. Le 2, c'est pareil, mais c'est... plus d'une fois, vous direz, mais quoi le potard de Teubé est quand même poussé à fond. Ah oui, non, on a quand même... Attends, la scène des bodybuilders. Genre, cette scène-là qui a pleuré de rire. La scène du garage. La scène de... de l'anniversaire. Oui. Enfin, ah oui, vraiment, le 2 est bête, mais est bête à bouffer du foie. Mais, est-ce que je peux imputer ça à la présence d'Asia Argento ? Peut-être pas, mais je vais quand même le faire. C'est ta faute, Asia. Et toi, Démon 2. Alors, rapidement aussi, je pensais. Faut savoir, à la base, il y avait des plans pour un Démon 3 qui a été transformé, refait, etc. Et en fait, c'est devenu la Chiesa, la Sanctuaire. Sanctuaire, oui, c'est ça, oui. Sauf que moi, j'aime plutôt bien Sanctuaire. Je préfère la secte, je trouve que la secte. Alors, j'ai pas entendu la secte, mais j'aime beaucoup Sanctuaire aussi. Je trouve que la secte se tient mieux parce que Sanctuaire, tu sens qu'il y a encore Argento qui fait pression sur Soavi et que c'est un peu bancal. Mais bon, Soavi, c'est un autre sujet. Mais alors, faut savoir qu'il y a eu effectivement un Démon 3 réalisé par Umberto Lenzi au Brésil. Et le synopsis Wikipédia, c'est pas une blague, hein, je l'ai copié-collé, c'est pas de démon, mais du vaudou au Brésil. Voilà, c'est... Alors, je l'ai pas trouvé, je ne vais pas le chercher, d'ailleurs, très longtemps. Mais voilà, et donc toi, Démon 2, que tu as aussi découvert pour l'occasion. Tu l'as découvert pour l'occasion parce que, bah... On est complétiste. Voilà, je l'ai vu dans la foulée en plus, hein, les deux du 1h30, franchement, c'est... Ça se fait bien, ça se fait bien, des films d'horreur d'1h30 qui... Voilà, c'est parfait, ouais, c'est parfait. Ça se fait des tic-tac, c'est beau. Tu t'en fais 3 par jour. Donc toi, vas-y, Démon 2, c'est comment? Bah, Démon 2, c'est comme le 1, mais tu t'attaches encore moins au perso, parce qu'il y en a trop. Et déjà, dans le 1, c'était pas glorieux. Voilà, à part le coup où il y a la femme enceinte. Oui, le... Voilà. Ouais, t'es sympa, quand même. Parce qu'ils ont la scène de fin, et que... Bah, moi, la scène de fin, elle me fume de rire. Genre, avec toutes les télés, là, c'est... Vous êtes, surtout, je suis sûr qu'il y a des gens qui ont déjà tenté d'analyser Démon. Honnêtement, n'essayez pas. Je pense que Lamberto Bava lui-même ne l'analyse pas, n'essayez vraiment pas. Et ouais, bah, globalement, c'est le 1 en plus bête et en moins réussi, dans le sens où bah, vraiment les persos sont... Tratés. Bah oui. Mais je maintiens qu'il y a quand même quelques idées, notamment Gore, un peu chouette. Je pense à l'enfant démon qui va lâcher une espèce de créature... Qui va attaquer la femme enceinte. C'est vrai. T'as la scène d'anniversaire qui est chouette, qui reprend à nouveau les dents qui tombent, etc. Mais après, c'est littéralement la même scène que dans le 1, quoi. Le même plan de caméra, le même gros plan sur la bouche. Même si, maintenant, je me demande en fait, c'est Démon 2, je me demande si je le mets pas un peu dans le nanar quand même. Parce que moi, honnêtement, la scène dans le garage, en fait, dans le garage, je peux imaginer, c'est les bodybuilders versus les démons. Donc, juste ça mériterait de le mettre à côté du virus cannibale. Mais en fait, ce qui est génial, c'est vraiment les bodybuilders vont jeter des haltères aux démons. Ça c'est drôle, et les démons vont sauter sur les bodybuilders, mais si vous faites pause, vous voyez les trampolines à l'écran. C'est super drôle, mais en fait, voilà, moi Démon 2, je peux pas dire que je passe un mauvais moment, parce que je le trouve tellement drôle, mais je sais pas si je ris à ces démons ou pas, je pense que oui, parce que honnêtement, Lamberto Bava s'est toujours illustré par quand même un premier degré à toute épreuve. C'est-à-dire, Apocalypse dans l'océan rouge, faut le voir quand même, hein, faut voir pour voir à quel point le bonhomme est persuadé de faire... On rigole parce que... Suite au mot rouge, suite à une blague hors antenne, donc c'est pour ça, l'océan rouge. Mais c'est et moi, Démon 2, je me demande, c'est nanar, pour moi c'est nanar, ouais. Mais c'est nanar très plaisant. C'est un nanar, mais fait par des Italiens dans les années 80, donc ça a quand même une meilleure gueule que, je sais pas, à tout hasard, Arthur Malédiction. Là, c'est quand même un peu mieux collé, quoi. Ça a quand même une autre gueule aussi que Hitman le Cobra, parce que bon, tout le monde connaît le Philippe, je saute tout de cache, mais le film est chiant, putain. Hitman le Cobra? Ouais, c'est chiant. Chiant. Mais après, c'est fait par Godfrey, je crois. C'est Godfrey, ouais. Ouais, bah, Godfrey, quoi. C'est... Tu cherches aussi. D'ailleurs, j'ai les DVD de Diamond Ninja Force. Ou les films de ninja de Godfrey. Et j'ai téléchargé Challenge de Ninja. Ouais, mais les films de ninja de Godfrey, ça... Tu vois, on fera jamais d'épisode là-dessus. Tu vois, ouais. Même si. Et d'ailleurs, dernier truc aussi, je pensais juste un truc. Je pense que les Démons 1 et 2 sont peut-être les films de Lamberto Bava les mieux réalisés. Ça je peux pas dire. Parce qu'en fait, la maison de la terreur a quelques plans plutôt chouettes, mais vraiment c'est chiantissime. Et à nouveau, à part la scène de meurtre dans la salle de bain qui est vraiment chouette, que je t'invite à voir, tu peux trouver sur YouTube. Okay. C'est chiant. Et tous ces autres films, c'est Blast Fighter, faut le voir pour le croire quand même, hein. Faut vraiment le voir pour le croire. Mais voilà, mais vraiment pour moi, je le dis, Démon, je pense qu'avec un autre plus tard, c'est mon préféré de l'épisode. C'est le plus fun, c'est le mieux gaulé. Et après, c'est aussi mon amour pour les films italiens de cette époque qui parle. Je pense que moi, le jour où on fait un épisode... Tu viens d'acheter le coffret Argento, quoi. C'est vrai, vous ne le voyez pas, mais il est derrière nous actuellement, le coffret Argento Fnac. Je me réjouis de revoir Opéra. Non, vraiment, c'est... Enfin, le jour où on fait un épisode Argento, je saute au plafond, quoi. Vraiment, c'est... J'adore l'horreur italienne des années 80, même un peu des années 90. Et voir ce qu'ils font aujourd'hui me fait très mal au cœur. Je sais pas si t'as vu, rapidement, détour, mais sur Netflix, je sais pas si t'as vu A Classic Horror Story. Je l'ai pas encore vu. C'est pas mal. C'est fait par celui qui avait fait Le Domaine. Que je n'ai pas. The Nest, en anglais. Qui est un film qui était intéressant, qui se tenait, qui était un peu proche de l'orphelinat, un peu, dans cette dynamique. Et Classic Horror Story, ça montre que l'horreur italienne existe toujours, mais qu'elle... À quel prix ? Je trouve qu'elle tend vers cette intellectualisation à tout prix de l'horreur actuelle qui est quelque chose... Tu veux dire de l'Elevated d'horreur? J'ai le poil qui se hérisse quand tu dis ça. Mais tu vois, le jour, si un jour on fait un épisode Elevated horreur, je pète un câble. Juste parce que au moment d'écrire le mot Elevated, je mettrais 3 guillemets, tu vois, c'est... Ouais. Mais non, et en fait, ça va vers cette espèce d'intellectualisation à tout prix qui est pas mauvaise, mais qui, je trouve... démontre ce que j'aime, c'est que c'est un film bête, il le sait, il l'assume. C'est ça qui me manque aujourd'hui un petit peu, je trouve. Après, ouais. C'est à nouveau mon coup de gueule de C'était mieux avant. Après, des films bêtes, il y en a toujours, mais... Mais de ce niveau-là, de ce niveau-là, c'est-à-dire que Démon, ça a beau être bête, ça se tient, et nerf de rien, est-ce que tu peux donner un truc à part son scénario général, ou qu'il ne fait pas bien? Parce que, oui, il n'est pas ultra bien éclairé, mais à côté, enfin, il n'est pas non plus horriblement éclairé, je veux dire, oui. T'as quand même des lumières un peu chouettes, tu vois, c'est quand même plutôt bien fait. La musique, elle est incroyable, les acteurs, ça fait le boulot, sauf les punks, mais moi ça ajoute une touche d'humour. Oui, mais les effets spéciaux sont géniaux. Tu vois, c'est... Je sais pas, ça me... Je trouve ce côté, il dure 1h30, et en 1h30, il te donne tout ce que t'as envie de voir. C'est ça qui, ça qui me manque un peu, je trouve. C'était mon coup de gueule, c'était mieux avant, je deviens vieux et bête. Où est-ce qu'on peut trouver Démon, mon cher Roman? Alors, et Démon 2 aussi, peut-être? Parce que et ben oui, il existe un coffret. Et ben oui, il existe le coffret... alors, il y a deux coffrets Steelbook Carlotta. Un en 4K et un 4K et Blu-ray et un juste Blu-ray. Le Blu-ray n'est plus disponible. Le Blu-ray, ouais, c'est le Blu-ray. Mais le 4K disponible. Est encore disponible, je crois. Ouais. Donc un coffret qui contient Démon 1 et 2. Et avec, Steelbook, hein, je crois, avec un commentaire Lamberto Bava. A noter que le coffret est très beau. Oui. Bisous à Carlotta. Merci à eux pour leur super coffret, vraiment. Ouais. C'est de très très belles éditions, toujours. Et merci pour le Blu-ray de la course à la mort de l'an 2000. Moi, je les remercie. De cœur. Là, comme ça, je les remercie pour Donnie Darko, Christine et Phase 4. C'est et là, vrai. Je passe pour un gros connard intellectuel. Bisous. Non, mais Christine, hey, prochain épisode, c'est Big John. Tu viens de spoiler le thème, au calme. Et bah, oui, on vous le dit. Oui, non, mais. Non, je pourrais pas le couper, mais. Je pense qu'on peut le dire parce que. Vas-y, taper des indices sur Big John, que c'est. Voilà. Non, mais le prochain épisode sera sur Big John, c'est acté ici. Voilà, et il est disponible. En France, il est aussi dispo sur Filmo, sur la plateforme Filmo. Voilà. Filmo TV. Et aux US, il est dispo sur Mubi et sur Shudder. Le 1 est dispo sur Mubi? Oui. Et sur... Ah, et, je me suis avec Tubi, pardon. Et le 2 est sur Shudder aussi. Le 2 est sur Shudder aussi. Peut-être, j'ai pas... C'est là que je les ai vus. Donc voilà, vraiment, Démon 1 et 2, allez-y. Et surtout, c'est un truc qu'on vous conseille, les meilleures conditions pour le voir, invitez des amis et voyez-le tous ensemble. C'est vraiment un film... Déjà, c'est un film qui se revoit bien. Et surtout, c'est un film... Je te redirai ça quand je le reverrai, du coup. Moi, c'était la troisième fois que je le voyais, je prends toujours autant de plaisir. Le 2, un peu moins, parce que le 2, quand même, tu fais... Bon, t'es bête. c'est gênant à quel point t'es bête. Mais le 1, moi, je prends toujours un immense plaisir devant, même si je sais que c'est pas du tout un film parfait. Mais je maintiens jusqu'à la mort que c'est un très bon film. Et que c'est notamment une très bonne bisserie italienne de cette époque. Peut-être le meilleur film de son réalisateur. L'histoire nous le dira. Il n'a pas encore sorti Twins avec Depardieu. Quel est le film suivant? Je pense que c'est le tien. C'est le mien, c'est Willy's. C'est les Willy's. Alors, les Willy's qui a été recommandé, si je ne dis pas de bêtises, par Very Nasty Stories. Very Nasty Stories. J'ai pas ton prénom, malheureusement. Mais merci à toi. Merci à toi, tu partages en plus des posts, il y a d'autres sorties d'épisodes à chaque fois, tu les écoutes tous. Et tu régales, toi. Tu régales, plein de bisous. Alors, les Willy's ont sorti en 90. Alors, 90, faut spécifier quelque chose. C'est sorti la même... Je le précise parce que ça aura son importance après. Sorti la même année, je vais tenter de te le faire deviner, qu'un film à sketch. Un film à sketch que j'aime énormément et c'est pas Creepshow. Bah oui, parce que Creepshow, c'est 82. 82, exact. J'ai pas la date, mais c'est au début des années 80. Ouais, c'est donc, quel film à sketch est sorti dans cette période? Un film à sketch que j'aime énormément. Tu m'en as déjà parlé? Ouais. Film à sketch sorti à cette période-là. Américain? Américain, ouais. Combien de sketch? Je crois qu'il y en a 3. Comme beaucoup de films à cette époque. Ouais. Allez, je t'aide. Il y a un sous-titre qui est incroyable. Les Contes de la Nuit Noire. Ah, Darkside. Darkside, sorti la même année que Darkside. Ouais. Retenez bien ça, ça aura son importance. C'est un film qui dure 1h30. À nouveau, merci d'avoir mis des films courts. Ça, j'ai rien contre les films longs, mais ça fait du bien. Oui. Ça fait vraiment du bien. Alors, c'est écrit et réalisé par Brian Peck. Si je ne dis rien, c'est parce qu'il n'a rien fait. Alors, au casting, on a Sean Astin, Kirk Cameron. Alors, Kirk Cameron, j'en parle rapidement, c'est un acteur qui est très drôle. Je vous invite à voir sa carrière actuelle. C'est devenu un born again. Tu sais, les films cato du sud des États-Unis, compliqués, bah voilà. Enfin, Roman me connaît, sait que j'ai une dent particulière contre ce genre de film. Et voilà. Pas, That's Not Dead. Ah, quel enfer, non. I'm Not Ashamed. Unborn? Unpained. Ouais, mais I'm Not Ashamed, c'est le truc de Columbine, là. Ouais. Il est sur Amazon Prime, si tu veux le voir. Enfin, non, ne le vois pas. À la musique, on a Randy. Alors, Randy Miller. Alors, Randy Miller, c'est quelqu'un qui aime bien les suites, genre Hellraiser 3, Darkman 2 et 3. Quelqu'un ah, c'est cool, il aurait pu faire Hellraiser 2, mais non. Il aurait pu faire Hellraiser 2, mais il l'a pas fait parce que la musique d'Hellraiser 2 était trop bien pour lui, je pense. Parce que honnêtement, je suis honnête, la musique de Willis, c'est pas ça qu'on va retenir. Et alors, à la photo... Disons qu'il y a battage de couilles sur 20, quoi. C'est, voilà, à la photo, on a Tom Ingalls, qui n'a fait que ça, qui a fait aussi un autre film qui s'appelle... Alors, voilà, je vous invite à aller voir l'affiche. Je te la montre, Roman, actuellement. Ça s'appelle Nudity Required. C'est beau. Fou. J'invite à aller voir l'affiche. C'est beau avec un F, putain. C'est un grand moment de solitude, on va dire. C'est... Voilà. Alors, le synopsis, alors, nouveau, vous finissez par me connaître à la longue, je suis très mauvais en synopsis. Démon, je l'avais fait moi-même, il était pas mal. Oui. Je me suis là, je l'ai pompé sur internet. Alors, deux frères partis en camping avec leur cousin essayent de s'effrayer en se racontant des histoires. Ils partent même pas en camping, ils campent dans le jardin. C'est nul. Il y a la maison du daron à côté, le daron il arrive à un moment. Ah, je l'avais pas vu ça. Si, je crois. Enfin, aussi, je vois le daron arrive, mais j'avais pas vu la maison. Je suis quasiment sûr qu'il campe dans le jardin. Je détecte des conneries. Deux frères dorment dans une tente. Non, deux frères et un cousin dorment dans une tente. On essaie de se raconter, de s'effrayer en se racontant les histoires d'un mystérieux homme de ménage dans une école et celle d'un jeune garçon fasciné par les insectes. Alors, Willy's. J'adore les films à sketch. Moi aussi. Je l'ai déjà dit, les films à sketch, c'est très bien. Maintenant, le problème de Willy's, c'est qu'il dure 1h30 et il y a deux sketchs. On pourrait se dire 45 minutes. Deux sketchs, un fil rouge, on va dire. Même pas. 40 minutes, tu mets un petit peu de fil rouge, c'est terminé. Voilà. Là, on est sur 20 minutes et beaucoup trop à côté. On est sur 20 minutes, 60 minutes. Ce qui. Comment dire. Alors, la première histoire, je la trouve sympa. La première histoire, c'est vraiment cool. Et surtout, le monstre. Le monstre est cool. Oh, surtout, le monstre, si vous aimez pas les effets spéciaux pratiques. Un peu raté, mais attachant des années 80. 90 du coup. 90, n'y allez pas, parce que honnêtement, le monstre, c'est que ça. Mais alors la deuxième, je vais te laisser en parler, elle est putain de longue, oui. Et elle dure beaucoup trop longtemps, même si j'aime beaucoup la fin. Je trouve la fin très drôle. Ah oui. Mais j'avoue que la deuxième, voilà. Bah, la deuxième histoire, c'est-à-dire que c'est un garçon qui, comme tu dis, aime les mouches. Spécifiquement les mouches, oui. Spécifiquement les mouches, oui. Jeff Goldblum sort de ce genre. Je crois que le segment s'appelle The Flyboy. Bah écoute, pourquoi et pas. En fait, c'est un connard. Oui, on peut le dire. Voilà, c'est un connard. C'est pas parce que c'est un gosse qu'on peut dire que c'est un connard, c'est un connard. C'est petit con. Voilà. C'est sûrement un copain du gars de Luke dans Better Watch Out. Oh putain, oui. Je crée un multivers entre les épisodes, c'est génial, appelle-moi Doctor Strange. Ça c'est une blague qui va vieillir très mal, je pense. D'ici un an, elle sera vieille. C'est une blague cross podcast surtout. C'est une blague cross podcast sur un film qui sera vite oublié. Ça va très très mal vieillir. Non, attends, il y a le perso de. Il y a Lizzie. Non, mais j'allais dire, il y a le perso de America Chavez qui est excellent. Bah écoute, je vais aller pleurer moi. Non, vas-y, Willy's, bah du coup, il y a ce garçon, donc on va l'appeler Flyboy, qui globalement aime les insectes, aime faire chier son voisin. Aime faire chier tout le monde en fait. Hein. Faire chier tout le monde, qui est un connard avec ses parents, qui. Et un connard avec. Une fille de. Tout le monde au lycée. Une fille de sa classe en particulier, à qui il va faire bouffer un cookie aux mouches mortes. Alors qu'elle essaye d'être gentille avec lui. Bah c'est ça. C'est vraiment. Il va crever, mais c'est ce qui lui arrive. Il ne crève pas, mais. Bon. Divulgation comme des crevards, divulgation la fin, je vais se la raconter. Il se fait justement enlever par des mouches. Ouais, par des mouches géantes. Par des mouches géantes. Le voisin à qui il volait des mouches. À qui il volait du terreau. Lui donne un terreau spécial qui fait grandir les mouches. Bah, qui fait grandir tout en fait, pour ça il a des légumes de ouf. Qui lui fait grandir les mouches et les mouches vont lui arracher les bras. Voilà. Et du coup il va se réveiller. Parce que c'est ce qu'il faisait aux mouches. Exactement, ouais. Et il va se réveiller avec des bras mécaniques. C'est long. Long. Parce que surtout, ça pourrait être une morale un peu sympa, mais ils auraient très bien pu le cutter de 30 minutes et mettre un troisième court-métrage. Voilà. Non, après, Willy's, j'avoue, déjà, l'affiche, je la trouve magnifique. Là, oui, l'affiche est folle. Je trouve l'affiche géniale. Sauf que c'est l'affiche un peu dessinée, ça. Ouais. C'est trop bien. Elle a l'air Melky un peu, le truc comme ça. Voilà. C'est trop bien. Et en fait, quelque chose qui me met un peu la haine en revanche. C'est que, comment dire, les effets spéciaux sont rigolos, ça c'est un truc qui est cool, c'est comme on a eu des effets des films, entre guillemets, d'avant, on a des effets spéciaux chouettes, ça c'est bien. Mais quelque chose qui me met un peu la haine, c'est que, bah à côté il y a Darkseid, bah à côté il y a Creepshow 2 qui était 3 ans plus tôt, et en fait, Darkseid a aussi cette volonté, parce que là en fait le film, ne s'en cache pas, veut être un film d'horreur un peu, entre guillemets, pour enfants. Le problème c'est que déjà, je montre pas ça à mon gosse perso, et en fait, Darkseid a aussi cette cible de film d'horreur un peu pour enfants, mais je trouve Darkseid bien meilleur, déjà parce qu'il est plus rythmé, et c'est dans Darkseid je crois qu'il y a le sketch de la gargouille. Oui, qui est vraiment chouette. Oui. Donc vraiment c'est ça. Maintenant Willis, ça reste un truc un peu sympa qui est pas du tout connu. On vous dira après où il est édité. Devinez, il y a un pays européen qui l'a sorti. C'est pas compliqué à deviner lequel. Ils éditent tout, notamment dans un coffret un peu original. Fait original, on va dire. Puis si jamais l'un de vous là veut nous envoyer une photo, je veux le voir en vrai. Mais en fait, le problème de Willis vraiment, c'est que sa cible, c'est les enfants, mais je vais pas montrer ça à mon enfant, et surtout, son deuxième sketch est beaucoup trop chiant. Ce serait... Honnêtement, s'il avait juste coupé le deuxième sketch, mis un troisième, je pense qu'il se serait tenu. Malheureusement, ce n'est pas le cas. En revanche, pour son premier sketch, il vaut le coup, parce que le premier sketch est vraiment drôle. Le premier sketch est vraiment cool, ouais. Et la fin du premier sketch est très amusante. Est-ce que tu veux rapidement mettre un pas vers l'avant et nous dire qui a édité, en Europe, le Blu-ray des Willys? C'est pas compliqué. Attention! Et c'est les Allemands! L'Allemagne qui édite tout! C'est un cheveu que vous avez renversé! Non mais ils éditent tout, c'est hallucinant. Mais est-ce que tu peux détailler le coffret où ils l'ont édité? C'est un coffret avec 20 films. Donc le coffret 20 Blu-ray. Le coffret 20 Blu-ray allemand qui contient notamment des films comme Creepshow 1 et 2, hein, des bien meilleurs films donc. Enfin, Creepshow 2. A un bon segment. Attends, il a un segment, je suis désolé, enfin, je suis désolé pour les Willys, hein, je déteste pas le film, mais il a un segment qui atomise l'intégralité du film, le segment du radeau, incroyable. Voilà, des films aussi comme 3 extrêmes 2. Donc 3 extrêmes, on parle de celui, c'est-à-dire que tu sais, 3 extrêmes, t'as deux films, t'as 3 extrêmes et 3 extrêmes, 3 histoires de l'au-delà et 3 extrêmes. Ok. Et 3 histoires de l'au-delà, c'est celui avec plus une ambiance volonté de faire peur, ouais. Avec notamment, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était Takashi Miike et Kim Ji-won qui ont réalisé dedans. Non, Takashi Miike c'est dans le deuxième. Ouais, Takashi Miike. Kim Ji-won était dans le premier. Le 2 c'est... Park Chan-wook, Fru Chan, Takashi Miike. C'est ça. Et le deuxième est beaucoup plus gore, donc c'est la version gore, avec peut-être le pire truc de Park Chan-wook, enfin le pire. Le moins intéressant, on va dire, de sa carrière post-2000. Et celui de Fru Chan, moi je l'aime bien, Dumplings. Oui, bah après il y a eu le film Nouvelle Cuisine du coup. Ouais, que j'ai pas vu pour le coup, j'ai pas encore vu non plus. Mais Dumplings était pas mal. Ok, bah oui, le segment est cool. Bah après, 3 décembre c'est sympa. Et après. Après, je l'ai vu dans une vague, je me matais. En fait, je l'ai vu pendant le confinement, parce qu'il était sur Canal+. Oh putain, dans le confinement, on a tous charbonné là-dessus. Voilà, et pendant le confinement, j'ai maté un nombre incalculable de films, mais vraiment beaucoup trop. On avait que ça à faire. Bah c'est ça. Remettez un confinement s'il vous plaît. Tout pour dire, sur le coffret 20 Blu-ray, quelque chose qui est fascinant, c'est le manque de cohérence absolue. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a Scary or Die, Chill Rama, Hood of Horror. Hood of Horror, oh putain, cette merde de Hood of Horror. Que j'ai pas vu, mais je l'ai en DVD, je l'ai regardé. Je l'ai en DVD aussi, c'est nul. Et pourtant, je l'ai vu défoncer, et c'est un film avec Snoop Dogg. Snoop Dogg, il avait fait un film, je sais plus le nom français, si quelqu'un peut me le retrouver, je le remercie, où en fait la VF tente de traduire l'argot West Coast. Ouh. Ah, ça jure comme des chartiers, c'est génial. Ok. Donc voilà, bref, le coffret 20 Blu-ray allemand, merci aux Allemands, j'imagine. Et sinon, Willys... On le voit. Ouais, les Willys est dispo sur... Il est dispo sur Tubi. Sur Tubi, encore une fois. Il est sorti en DVD aussi aux États-Unis et au Canada. Mais merci à Tubi, je veux dire... Voilà. Tubi, si vous avez la chance d'avoir un VPN... Allez-y, je vous jure, c'est une mine d'or. Vous n'avez pas idée du nombre de trucs qu'il y a là-bas, c'est illégal. Honnêtement, c'est pas... Non, c'est légal, mais c'est titanesque le contenu qu'ils ont. J'essaie de trouver le film avec Snoop Dogg, et quand je vais sur la section acteurs sur IMDb, je vois 276 œuvres. Non, mais... Sur un total de 1367, et je me dis, Snoop, arrête. Non, mais c'est quoi déjà, il essaye de faire les quêtes annexes. C'est ça. Non mais Snoop Dogg, je peux te dire, on est en train d'essayer de retrouver le film. Attends, voilà, c'est bon. Le film s'appelle The Eastsiders en anglais. C'est réalisé par Michael Martin, ça date des années 2000. Le film avec Snoop Dogg, donc, où la VF, vous y allez en VF. Faut vraiment le trouver en VF. Ça jure comme des chartiers. The Eastsiders, qui est... Je connais pas le titre français en revanche. Mais au casting, vous avez Snoop Dogg et d'autres... Et d'autres personnes, et je crois que le film est produit aussi par Snoop Dogg. Alors, qui n'a pas de titre français, c'est de East Side Eyes, sa base. Et on va voir s'il est bien produit par Snoop Dogg. Il est produit par le Snoop, il est producteur exé, c'est-à-dire que c'est lui qui a lancé la thune, surtout. Donc, moi sur les Willys, j'ai pas grand-chose à dire, c'est-à-dire que c'est un film à sketch avec un premier segment sympa et le deuxième, long. Bah, le deuxième, la fin est rigolote, mais honnêtement, le deuxième, à nouveau, je me répète, mais il aurait tellement pu le réduire de moitié et mettre un troisième segment, quoi. Ouais. Surtout que le problème de deux segments dans un film à sketch, c'est que soit faut que les deux segments soient aussi bons, parce que plus il y a de segments, plus t'as de variété de genre possible, et donc plus t'as de variété de qualité. Je pense à ABC of Death, oui. 24 segments, tous ne sont vraiment pas bons, mais moi il y en a certains que j'aime bien dans ABC 26. Je connais pas mes lettres de l'alphabet. Dans le premier, t'as vu le premier ABC of Death? Oui, j'ai vu. J'adore vraiment le sketch de Timo Giacinto. C'est lequel? Libido. Celui où t'as une espèce de mec avec, tu sais, genre une espèce de rite sexuel bizarre où à la fin t'en arrives avec une tronçonneuse. Ok. Qui est bien barge, j'aime beaucoup aussi les sketchs. C'est pas celui où il y en a deux qui se branlent et. Si, voilà. C'est lui. Ok. À la Timo Giacinto, quoi, il connaît pas la subtilité, mais il y va. J'aime bien aussi les sketchs faits par Noboru Iguchi ou les mecs du Sushi Typhoon. Les fous, quoi, en gros. Le testament de Xavier Jeance aussi. Oui, ah, celui qui m'a traumatisé. X ouais. Pour XXL. Mais tu vois, à côté, t'as aussi de la merde. C'est-à-dire que t'as le segment qui est. Je crois que c'est le G pour graffiter. Qui est fait par Andrew Trocchi, qu'on aime bien pour The Riff et The Riff 2. Oui. Et Blackwater, je crois que c'était lui aussi. Que j'ai vu d'ailleurs sous tes conseils. Qui est bien Blackwater. Qui est sympathique. Voilà. C'est un honnête survival. Voilà. Et le problème de. C'est un sympathique Croco Plotation, quoi. Voilà. Et son segment pour Abyss of Death est chiantissime. Et du coup, voilà ça. Plus t'as de segments, plus t'as de variété de qualité. Et là, le problème, c'est que le premier segment est sympa. Mais ne va pas très loin. Le deuxième segment est beaucoup trop long. Et du coup, le problème, c'est qu'on va surtout retenir le deuxième. Même si l'affiche et la fin mettent plutôt en avant le premier. Donc je me demande dans quelle mesure. Ouais, je serais curieux de savoir dans quelle mesure. Est-ce que t'as pas eu, je sais pas, un manque de budget ou t'as des trucs comme ça qui expliquerait du coup l'absence de troisième segment. Par contre, je tiens juste à préciser qu'il y a une référence aux Goonies dans ce film et que j'aime beaucoup. Laquelle ? Au moment où Sean Astin s'apprête à raconter son histoire. Oui, celle avec le bateau abandonné. C'est ça. Non, pas encore ton histoire avec ton bateau de pirate là. Ouais, mais ça c'est mignon, c'est mignon. Voilà. C'est ça aussi qui me fait dire que le film est destiné aux enfants en fait. C'est vrai. Donc voilà. Mais bref, les Willys, c'est sympa. C'est mieux que Mausoléum, je trouve. Oui. Mais je trouve ça quand même très décevant. En fait, je pense surtout que j'ai trouvé ça décevant parce que j'adore vraiment Darkseid, les contes de la nuit noire. Moi je l'ai vu qu'une fois. Je trouve vraiment que c'est. Pour l'horreur de festival, une autre édition arrive cette année. Bisous l'horreur de festival. Je sais que c'est un. Darkseid, moi c'est un film que j'adore. Et voir qu'il est sorti à même année que Willys, je me dis. Allez. Ah, c'est. Voilà. La comparaison est pas facile. Et donc on passe au film suivant. Alors film suivant qui. C'est moi. Qui est proposé. Ah, oui. Alors, pour équilibrer et se mettre d'accord sur, pour découvrir des films aussi, parce qu'il faut se mettre d'accord sur des films qu'on avait vus ou pas de notre côté, voilà. Et aussi, non c'était ça, parce que j'allais dire Kanish, mais non Kanish c'était pour Démon, ouais. Donc ça c'était le film que tu as choisi, que tu n'avais pas vu. C'est ça, et bah Démon aussi c'est moi qui le choisis, parce que je l'avais pas vu. Ouais. Voilà, c'est-à-dire que Mausoléum on l'avait pas vu tous les deux. Ouais, tous les autres on les avait pas vu tous les deux, sauf Démon, celui-ci et Jane Doe. C'est ça. Et donc. Et donc, on passe à The Faculty de Roberto Rodriguez. Alors, est-ce que on peut déjà faire un petit encart, rapide, oui. Sur Roberto Rodriguez. Enfin, Robert Rodriguez. Bébert. Pour toi, Robert Rodriguez, oui ou non? Parce que les avis sont opposés, monsieur. Ah, les avis sont opposés, c'est-à-dire que c'est un mec qui a fait Spy Kids. Ouais. Qui a fait Sharkboy and Lava Girl, que j'ai toujours pas vu. Mais Je vais vomir. Je déteste ce film. Mais à côté, c'est le mec qui a fait donc la trilogie d'Esperado. Alors que j'ai pas encore vu, j'ai vu très peu de films de Rodriguez, j'ai pas vu les Machete, j'ai pas vu le truc comme ça. T'as vu Une Nuit d'Enfer? J'ai vu Une Nuit d'Enfer, ouais. Bah en fait. Qui a fait Alita, même si c'est officieusement plus un film de Jim Carrey. Je trouve que Rodriguez, on détaillera après, mais je me demande dans quelle mesure est-ce que c'est pas un prêtre, non? On débattra après, je te laisse finir la présentation du film, on pourra débattre après. Donc The Faculty est sorti le 25 décembre 1998 aux USA et le 2 juin. 1999 en France. Alors, à partir sur les titres alternatifs du film. Dis-moi qu'il y en a un, c'est genre l'école. Alors, au Québec, il s'appelle Les Enseignants. Saignants comme saigner. Oh putain, c'est des génies. C'est des génies. Non, t'es au courant que là, tu me donnes qu'une envie, c'est de me procurer un DVD québécois juste pour avoir ça dessus en fait. Mon daron a un Blu-ray québécois de Inglourious Basterds titré Le Commando des Bâtards. Ça c'est beau. C'est beau. Mais les enseignants, c'est ils ont le nez creux quand même. Ils ont le nez creux. Le nez creux et en plus ils aiment les jeux de mots. Mais je suis fait pour vivre là-bas, mec. Et au Japon, il s'appelle Parasite. Il a eu la Palme d'Or. Voilà, donc c'est réalisé par Robert Rodriguez. Je vais pas vous faire l'affront de faire la présentation de Rodriguez. Bah, Rodriguez, bon, on en a parlé rapidement, mais c'est quelqu'un qui a démarré dans le cinéma ultra indépendant en faisant la trilogie de Desperado. Ouais. Donc Desperado 1, Desperado 2, il a été une fois au Mexique et Desperado 2. Mmh. Et... Mariachi... El Mariachi, pardon, il a démarré par El Mariachi. C'est El Mariachi, ouais. Desperado et Desperado 2, c'est comme ça je crois plutôt. Bah, il a fait Alita Battle Angel plus récemment. Il a fait un film... Bah, c'est son dernier d'ailleurs, je crois. Non, Red Eleven. Je crois que Red Eleven date d'avant, et Red Eleven est une merde infâme, date d'après. En fait, Red Eleven, le problème, c'est que c'est un film qui revient un peu comme El Mariachi, c'est à faire 1 million, un film avec 1 million. Je crois que c'était 1 million la somme pour El Mariachi. Et le problème, c'est que c'est super cheap, et à part le documentaire qui va avec pour dire comment il l'a fait... Oh putain, non ! Après ça, il a fait, pour Netflix, C'est nous les héros. Je l'ai pas vu, lui, mais je veux pas le voir. Mais après, du coup, Rodriguez, c'est quelqu'un... Il a fait... Ah, Red Eleven, c'était avant, c'était 2018. Pardon. Et Alita, 2019. Mais voilà, mais donc c'est quelqu'un... On va en parler après, on va en parler après. C'est quelqu'un qui a un plan de carrière que je ne comprends pas. C'est-à-dire que sa dernière réalisation à date, c'est 3 épisodes de Boba Fett. Les pires. Il me semble. Les pires. C'est lui qui a fait l'épisode de La Poursuite. Épisode 1, épisode 3, épisode 7. Oui, le 3, c'est La Poursuite, oui. Voilà, le 3, c'est La Poursuite. Ouais. Il est pénalement répréhensible pour ça, hein. C'est pas une blague. Mais après, Rodriguez, c'est quelqu'un de compliqué, parce qu'il a aussi fait un film que j'aime beaucoup, qui est un film, alors, je sais plus comment il s'appelle, je vais le retrouver de mon côté, mais qui est un film, en fait, avec un caillou qui exauce les vœux. Ok. Qui est amusant. The Rock. Non, mais je vais trouver ça. Et donc, voilà, je te laisse continuer sur The Faculty. C'est écrit par le dieu des années 90. Alors, c'est... Scénario corrigé par le 2090. Ah, pardon. Nuance. Donc c'est écrit par David Wetcher et Bruce Kimmel. Donc David Wetcher qui n'a rien fait de marquant. Et Bruce Kimmel qui a écrit notamment The First Nudie Musical. Pardon, il a réalisé The First Nudie Musical. Pas vu. Alors j'ai lu le résumé, c'est un film sur un musical qui est sur le point de fermer parce qu'il rentre pas assez de thunes. Et du coup il décide de faire une comédie musicale à poil. Y'a pas à dire, quand t'es artiste, faut vraiment savoir se donner. C'est ça. Et donc, scénario corrigé par Kevin Williamson. Kevin Williamson, voilà, donc, c'est un peu le roi du teen movie dans les 90-2000, c'est-à-dire que... Mi-génie, mi-cynique, on ne saura sans doute jamais. C'est à lui qu'on doit les 4 premiers scrims, Souviens-toi l'été dernier, Cursed. C'est marrant, comme tu dis les 4 premiers scrims, je souris, tu dis Souviens-toi l'été dernier, j'ai déjà envie de le claquer, et Cursed... Pff. Mais... Et les séries Dawson et Vampire Diaries. Et c'est à lui qu'on doit un film des années 90 que j'aime bien. Mrs. Tingles ? Ouais. Que j'ai pas encore vu. Qui est... Bah, qu'il a réalisé d'ailleurs. Qui est pas un excellent film, mais que moi j'aime bien parce que... Je sais pas, je trouve un côté un peu... bizarre. Que j'aime bien. Après... En fait, Kevin Williamson, quelque chose qui m'a toujours fasciné chez lui, on pourra en parler très bien, c'est... Est-ce qu'il est très honnête dans sa démarche ? C'est-à-dire le côté déconstruction des codes pour donner le côté méta, c'est à lui, je pense que c'est en partie à cause de lui qu'on a cette vague de films méta depuis. Ou alors est-ce qu'il est ultra cynique? Parce que par exemple dans Scream, le seul slasher qu'il te cite, c'est Halloween. Donc est-ce qu'il te cite ça parce que c'est une référence de base que tout le monde aura? Ou est-ce qu'il te cite ça parce que c'est genre il prend les fans de genre pour des débiles? Et t'as la même chose dans The Faculty. Il te cite que l'invasion des profanateurs. Ouais. Donc je pense que je n'aurai jamais la réponse, à moins de lui demander, hein. Je pense que lui-même ne me la donnera pas. Mais je serais curieux de savoir, est-ce qu'il donne une référence universelle parce que c'est la seule qu'il a, ou est-ce qu'il donne une référence universelle parce qu'il prend pour un con. Parce qu'il prend pour un con, ça c'est, je sais pas. À voir. Au casting, on a Jordana Brewster. La meuf de Fast and Furious. C'est ça, la sœur de Vin Diesel dans Fast and Furious. Alors... Je sais pas pourquoi dans ma tête c'était sa meuf. Non, c'est la sœur de Vin Diesel. Ah non, parce que c'est la meuf de Paul Walker. Ça peut être sa meuf s'ils vivent dans certains coins du monde. Non, mais oui. Qui a joué aussi dans Massacre à la tronçonneuse, le commencement. Et qui joue pas si mal d'ailleurs dans The Faculty. C'est vrai. Alors que dans Fast and Furious, elle s'en fout. On a Cléa Duval qui a joué dans beaucoup de trucs. Ouais. Qui a joué dans beaucoup de séries comme Handmaid's Tale, Better Call Saul, American Horror Story, Les Experts Miami. Voilà. Les Experts Miami, je n'ai pas de lunettes sur moi, mais en entendant Les Experts Miami, je n'ai qu'une envie, c'est de retirer des lunettes avec le générique des Who. Voilà. Et en termes de films, Argo, The Grudge, Identity, Ghost of Mars, c'est allé trop bien. The Grudge, le remake. The Grudge, non. The Grudge, je suis mis où. Enfin, le remake du coup, oui. Mais le remake Gellar. Voilà. Ouais. Mais le casting de The Faculty, c'est un casting... de déglingo. C'est-à-dire que autant le casting de Scream, il est pas mal. Alors celui de The Faculty. C'est ça, donc on a ensuite Laura Harris qui a joué dans Stargate Atlantis, dans Les Experts, la série Dead Zone, Votre Tour Chrono, encore une fois, beaucoup de séries des 90. Bah, c'est, en fait, c'était surtout. La série Highlander aussi. T'avais pareil dans Scream, je crois, c'était surtout des acteurs de série à la base. Ouais. Pour le coup, je saurais pas te dire dans quoi ils ont joué, mais je me souviens avoir lu ça, je crois. Et en termes de. Et X-Files aussi, en termes de série, et en termes de film, le Ça de 90. Que moi j'aime bien. Moi aussi. Je pense qu'il faut jamais que je le revoie, mais je l'aime bien. Je l'ai revu récemment. Il passe encore ? Moi, ça passe. Moi j'aime bien après, mais. Bah, voilà. Non, mais le problème, c'est est-ce qu'il est encore effrayant, tu vois, c'est... Ah non, ça, certainement pas. Bah, voilà. On a Josh Hartnett, dont je vais pas parler parce que je vous renvoie à l'épisode 2 sur Halloween, où on parle d'Halloween 20 ans après. Mais qui est un acteur que moi j'aime beaucoup, qu'on aime tous. Et mais, surtout, c'était son premier rôle, je crois. Non, c'était son deuxième parce que c'était après Halloween 20 ans après. Ouais. Mais c'était avant. Je crois à Virgin Suicide. Oui. Qui est peut-être je crois que c'est 2000 ou 2001. C'est 2000. Ouais, je crois que c'est 2000. Et moi, c'est dans Virgin Suicide que je. Virgin Suicide, j'y arrive. Et 30 jours de nuit, je pense que c'est ses meilleurs rôles. Et j'ai pas encore 30 jours de nuit. Plaisir coupable, je l'aime beaucoup dans Pearl Harbor. J'aime beaucoup Pearl Harbor. J'ai pas encore vu Pearl Harbor. Pour des raisons très mystérieuses, mais j'aime beaucoup Pearl Harbor. Ça fait boum. Moi, je pleure à la fin de Pearl Harbor. Ok, je l'ai pas encore vu, donc je peux pas dire. Ah bah, c'est simple, t'aimes les violons. On a Elijah Wood, hein. En un mot, Frodon. Toujours dans les bons coups, lui. Ah, il a joué dans Alex de la Iglesia. Il a joué dans Alex de la Iglesia. Crime à Oxford. Ok. Il est pas mal. Il y a Salma Hayek. Sublime Salma Hayek, qui avait joué auparavant dans Une Nuit en Enfer. Son meilleur rôle. Et je te défie de me dire le contraire. On sait tous pourquoi. Ceux qui ont vu Une Nuit en Enfer comprendront la subtilité de cet humour. On a Piper Laurie dans le film, qui jouait la mère de Carrie. L'horrible mère de Carrie. Non. Si. Elle joue qui ? Je sais plus. Attends, elle doit jouer la directrice. Enfin, ouais, je pense, ouais. Putain, je l'ai pas reconnue du tout. Alors pourtant, on avait revu Carrie ensemble il y a pas longtemps. Ouais. Je l'ai pas reconnue. Putain. Et on a. Attends. Et on a. Cher ! Robert Patrick. On a Robert Patrick ? Bah oui ! Tu l'as pas reconnu ? Non. C'est le prof de sport ! Oh putain ! C'est le Terminator ! Oh putain, oui, c'est le T-1000 ! C'est le T-1000, mec ! Oh ta mère ! C'est le T-1000 qui joue le prof de sport ! J'ai pas reconnu Robert c'est Patrick ! C'est génial ! Bah faut admettre qu'après Terminator 2, il a quand même eu une carrière en zigzag, hein, mais. C'est ça. Je crois qu'il a fait un film avec Edward Furlong, hein, c'est dire. Bah il a fait. Je crois que c'est le méchant de Double Dragon. Ah oh, c'est dur ça. Enfin, un film avec Edward Furlong, je parle de Edward Furlong post 2000, hein. Je parle de Edward Furlong post drogue et tout ça. Voilà. Parce que Edward Furlong, oui, on pourrait dire Terminator 2. Mm. Mais ouais, non mais si, il joue le prof de sport. Je sais que moi je me dis, mais imagine ton prof de sport, c'est le T-1000. Mais moi il me demande de faire des tours, mais t'inquiète pas que je tourne jusqu'à en crever quoi. C'est... Et donc, alors, question con, est-ce que t'as noté qui est à la photo du film ? Ouais, j'ai noté qui est à la photo, c'est Enrique Tchediak. Chef op de 28 semaines plus tard, 127 heures, le labyrinthe, la cinquième vague et Bumblebee. Maintenant que tu dis 28 semaines plus tard, ça me semble cohérent. Parce que t'as cette même photo un peu cramée par moment quand même. J'ai pas encore vu le semaine, j'ai vu le jour et pas le semaine. Tu le 28 semaines. Est-ce qu'on parle de qui a fait la PO du film ? C'est qui ? C'est Marco Beltrami. Le grandiose Marco voilà, Beltrami. Voilà, c'est-à-dire que le thème de Scream, je suis pas le. Du tout le plus grand fan de Scream, mais son thème musical. Ah, le Sidney Lumet, il est incroyable. Mais enfin, le. Ah, le thème de Scream, putain. Vraiment, le thème de Scream, on l'oublie souvent parce qu'on retient la BO qui est très marquante. Tu me diras, moi j'adore Youth of America, qui est le morceau qui joue dans la soirée de fin. D'ailleurs, ils reprennent un peu cette logique dans The Faculty de faire une playlist un peu rock. Ouais. En fait, Marco Beltrami, faut juste pas oublier un truc, c'est que c'est quand même un compositeur de déglingo. C'est-à-dire que oui, il a fait Scream, mais il a quand même fait la BO de Sans un bruit. La BO de Sans un bruit qui est excellente. Ouais. Il a fait la BO, on en pense ce qu'on veut des films, mais des Fear Street. Moi, je sais qu'on aime bien le 2 tous les deux. Ouais. Moi, je suis plus mitigé sur les deux autres, mais je trouve la BO des 3. Je suis surtout mitigé sur le 3, j'aime beaucoup le 1 aussi. Je trouve la BO excellente. Il a fait la BO de Prédiction, qui est, bon, un film. Comment dire ? Un film ? Un film compliqué. Après, il a aussi bossé sur Cursed, Kingdom of Heaven, Man of Steel. Le mensonge. Il a bossé sur Man of Steel ? C'est un Zimmer dans la musique. Il a bossé dessus. Ok. Bah, voilà. Il a aussi fait la BO du Mans 66. Okay. J'invite tout le monde à revoir le Mans 66 si vous l'avez vu. C'est un chef-d'œuvre. Moi, je trouve que c'est un. Il a aussi bossé sur iRobot, World War Z et Hellboy, celui de Del Toro, je crois. Ouh, oui, c'est lui Del Toro. C'est lui Del Toro, je suis quasiment sûr. Et c'est lui, du coup, qui a fait la magnifique musique de la mort du père dans Hellboy 1. Je trouve la musique incroyable. Faut que je revoie Hellboy 1, ça fait depuis que je l'ai revu au cinéma pour le New Max que j'ai pas vu. Surtout, c'est angoissant parce que chaque fois que quelqu'un dit Hellboy, j'attends le après. Tu vois, parce que si c'est Del Toro 1 ou 2, c'est génial. Si c'est le. L'autre. Le Neil Marshall. Le sombre de lui. Lui, il est compliqué. Avec Mila Jovovich qui est, oh, surprise, à poil. Pour des raisons évidentes de Mila Jovovich. Je pense. Mais donc, The Faculty. The Faculty. Alors, The Faculty, c'est bah, globalement un teen movie horrifique avec des aliens, de la drogue et écrit par Williamson. Ça avait tout pour marcher dans les années 90 et ça a marché. C'était fait pour ça en fait. Voilà, c'est-à-dire que perso, c'est une bonne découverte. Précisons aussi, parce que juste j'ai retrouvé donc rapidement la BO du film. Précisons, dans le film, t'as The Offsprings. T'as Oasis, t'as Soul Asylum, t'as Garbage, t'as Sheryl Crow, t'as une reprise de Pink Floyd. Oui, juste pour la BO, les gens pouvaient aller voir le film, je crois. Mais pas moi, pour la bande son, c'est pas la BO. Moi j'avoue, c'est un truc, ça marche plutôt bien sur moi en général. C'est très facile de m'appâter avec ça, tu vois. Donc voilà, force de constater que ça marche. C'est-à-dire que vraiment, quand c'est Williamson à la barre, ça peut donner des trucs. Sous la toilette dernier sur 20, mais ça peut aussi fonctionner vraiment en fait. Voilà, et là, bah ça marche. L'intrigue est vraiment bonne avec des personnages que je trouve très attachants. J'aime beaucoup le personnage de Josh Hartnett. Et de Elijah Wood. On a oublié Famke Janssen aussi. Le phénix. Le phénix de la saga X-Men. Ouais. La première, elle joue la prof qui est amoureuse de Josh Hartnett. mais attends, je te jure, attends. Continue, je te trouve une photo que tu puisses voir. Mais à l'époque, enfin, voilà, ils sont attachants bien que clichés et on est 3 ans après Scream. C'est-à-dire que, voilà, on est 3 ans après que Williamson lui-même ait redéfini le genre de teen movie après les heures de gloire de John Hughes. Et surtout, donc on est dans une vague de teen movie, c'est-à-dire que la même année, on a 10 bonnes raisons de te larguer et American Pie. Je déteste American Pie. Mais c'est ça que les années 90, enfin surtout, les années 90, ça a été l'âge d'or du teen movie, et j'aurais tendance à dire que Virgin Suicide, dont je parlais plus tôt, est la fin. Parce que Virgin Suicide, c'est un teen movie dépressif au dernier degré. Ouais. Là où tous les teen movies sont plutôt joyeux. Surtout qu'à la même époque, t'avais un film, alors il n'est pas connu du tout, mais j'invite les gens à le regarder, ça s'appelle Cursus Fatal. Ok, je connais. Qui est un film avec celui qui joue Stu dans Scream. Matthew Lillard. Matthew Lillard, oui. Qui est un très mauvais acteur. Et qui là, en fait, Cursus Fatal, c'est basé sur ce mythe un peu rigolo que si jamais un élève se suicide, toute la classe a son bac. Et du coup, ils essaient de pousser des élèves suicidés. Et à un moment, pour faire croire qu'une élève est dépressive, ils vont lui acheter des CD de Joy Division. Et ce film, c'est très mauvais, mais ça m'explose de rire. Mais voilà, bref, les années 90, c'est l'âge d'or du teen movie. Voilà, donc, et contextualisons, le film sort entre Scream 2 et 3, Souviens-toi les derniers 2 et 3, Urban Legend 1 et 2, et il sort un an avant Destination Finale et Scary Movie, et Virgin Suicide, du coup. Ouais, donc en gros, c'est le milieu des teen movies des années 90. C'est ça, vraiment, il sort. Qu'est-ce qui pouvait mal se passer? Réponse, rien. Voilà, d'ailleurs, je crois que la même année que Virgin Suicide, il y a Sexy Movie, avec Chris Evans. Attends, non, c'était Sexy Movie, c'est pas dans cette époque des... Je l'ai pas vu, mais c'est pas fait par les deux salopards. Ah non, pas du tout. Okay. Ce qu'ils appellent Not Another Teen Movie. Ah oui, un pote à moi, que tu connais aussi, Melvin, dans la 17ème dimension, est fan de ce film. Bah, vraiment, c'est très sympa. Et donc, pardon, correction, ce n'est pas Sexy Movie, c'est Sex Academy, et ouais. C'est 2001, pas 2000. N'essayez pas Sexy Movie, vous risquez de tomber sur des saloperies des années 2000 par... deux connards voilà. qui m'ont fait réévaluer Scary Movie quand même. On peut dire que c'est les deux qui ont tué le genre parodique quand même. Et Logan Paul. Ouais, mais Logan Paul, il l'a pas tué, il lui a mis une balle dans la tête alors qu'il était déjà mort. Oui. Alors que eux, ils ont bien poussé le bouchon. Spartatouille, mec. Ils ont fait les nécromanciens aussi. Spartatouille. Je l'ai pas encore vu. Oh, grandiose. Avec Kevin Sorbo. Mais donc, voilà, on est dans cette vague de teen movie, et c'est le haut du panier de cette époque-là, je trouve. C'est-à-dire que, en comparaison au Urban Legend 2, soit l'été dernier, toute la trilogie, Scream 2, voilà, il s'en sort quand même mieux. Et juste, ben ouais, globalement, des persos attachants, une histoire, bah, très 90s, faut le dire, mais quand même cool, et bah, des bons effets aussi. Bon, un peu daté, c'est-à-dire que le poisson... Tu connais mon amour pour les monstres géants. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, pour le coup... Alors, Jazz, c'est un enfant de Scream. Très simplement, vous prenez Scream, vous appliquez le code des Body Snatchers, vous avez The Faculty. C'est vraiment ça. Mais j'avoue que j'ai craqué sur trois trucs. Le casting. Oui. Alors, le casting, étant donné qu'on les connaît, qu'ils ont eu des carrières après, c'est génial de tous les voir. Même Famke Janssen, qui est pas une actrice incroyable, mais qui est belle en fait, qui est magnifique, bah là dans le film, je sais pas, je la trouve amusante à voir. Robert Patrick fait du Robert Patrick, c'est-à-dire que si jamais il garde un visage stoïque, il est terrifiant. Josh Hartnett, moi c'est mon perso préféré, vraiment. J'adore Elijah Wood dedans, mais je trouve Josh Hartnett très attachant. Après, je trouve le film plutôt amusant, mais du coup, la question que je pose sur Rodriguez, c'est, Rodriguez, est-ce que ce serait pas un prête-nom? Parce qu'en fait, au final, sa chance, ça aurait été d'être pote avec Tarantino. Quand il fait Alita Battle Angel, c'est un film de Cameron, avec Rodriguez qui fait son nom. Quand il fait Une Nuit en Enfer, c'est un film de Tarantino, mais il met son nom derrière. Quand il fait Spy Kids, quand il fait... Ouais, non, va te faire foutre. Ouais, va te faire foutre. Dans le 3, mec, le 3 en 3D, là. Oui. Le 4, qu'on avait... c'est pas le 4 qui est en odorama, je sais pas quoi, quand il pète, là. Oh, je sais pas. Quel enfer. Mais, et là, je me dis, est-ce que c'est pas un film de Williamson? Et il met son nom derrière. C'est ça que je me demande, parce que je trouve que la réalisation du film... J'ai eu une anecdote sur ça, après. Je trouve que le film n'est pas mal fait. Mais je trouve qu'il est un peu timoré. C'est un truc qui manque, en fait. Parce que sinon, je trouve le film vraiment plutôt amusant. Il fait vraiment la même chose que Scream. C'est-à-dire qu'il va te déconstruire les codes de façon peut-être un peu facile, quand même, par moment, en te mettant vraiment le même personnage qui va t'énoncer chaque principe du body snatcher pour te les réutiliser après dans un film. En l'occurrence, le personnage, c'est Elijah Wood. Oui. Qui a la tête du rôle, d'ailleurs. Même, et après ça, le film s'en sort plutôt bien, il est à nouveau assez court, je crois, il y a 1h40, 1h50, je crois. Ouais. Il est vraiment plus 1h40, je crois. Plutôt court, il y a des effets chouettes, à la fin il y a un gros monstre, si vous aimez ça, allez-y. Avec un petit twist de fin que je trouve amusant, même si un peu pété, mais un peu amusant quand même, mais voilà. Alors pendant juste me corrige, j'ai dit que c'était 3 ans après Scream, il sort en 99 en France, c'est 2 ans après Scream. 2 ans, qui était voilà. En 97... 96, pardon. Ouais. Mais... alors, après, il est 1h44. Après, ce qu'on peut reprocher à The Faculty, c'est est-ce que c'est pas un peu facile? Peut-être, mais j'avoue, je n'arrive pas à bouder mon plaisir. Parce que, honnêtement, il y a les Offsprings dans la BO. Donc, déjà, perso, c'est 2 points. Hein. J'adore les Offsprings. Il y a Josh Hartnett, 2 points à nouveau. Il y a Famke Janssen en. Comment dire ça poliment, chaudière, on va dire ça, oui, c'est ça. Non, moi j'adore quand elle a. Eric baissa la culotte d'Alexia. J'adore. Alexia, virgule, cette chaudière. J'adore quand elle l'aborde sur le parking. C'est pas bien ce que tu fais. Ouais, mais je suis dans ma voiture. Ah, le bâtard, il est fort. Cette scène m'explose. Et vraiment, c'est un film qui malheureusement, en fait, autant Scream, j'ai du mal à dire que le film est cynique. Parce que Wes Craven a toujours voulu faire autre chose que de l'horreur. D'ailleurs, le cinéma le remercie qui n'est jamais... Enfin, qui n'est pas trop pu faire autre chose, parce que bon, la musique de mon cœur, plus jamais. Ah ouais. Mais j'ai pas encore fait je ça, pense mais... que si Williamson est cynique, Craven ne l'est pas. En tout cas, même si Craven n'est pas amoureux de ce qu'il fait, je pense qu'il l'aime bien quand même. Enfin, pour avoir démarré avec La Dernière Maison sur la Gauche, l'intérêt est quand même... Voilà, là, je sais pas. Ah, pour avoir surtout démarré dans le porno, hein. Il a pas démarré dedans. Il a fait du porno, mais il a pas démarré dedans. Oui. Je crois que ça s'appelle Firework Woman, un truc comme ça, il s'appelle son nom. Je sais pas. Mais je sais pas si... En fait, Rodriguez, je sais pas dans quelle mesure est-ce qu'il est cynique. Parce que Rodriguez, il y a beaucoup d'incertitudes sur lui, c'est... Est-ce que c'est pas un branleur? Parce qu'il y a quand même masse de vidéos de lui où il joue de la guitare sur les tournages, tu vois. Donc, ça me rappelle, tu sais, ces fausses pubs des nuls là, tu sais, où ils détournaient une pub Pétrolane, ouais, truc de leçon pour cheveux, et ils avaient invité des réals pour militer contre les réalisateurs qui foutraient sur leur plateau. Genre, moi je me disais, j'ai pas le temps de m'occuper de mes cheveux, mais qu'est-ce que tu fous avec ton Pétrolane branleur quoi. Et donc, il y avait Luc Besson, il y avait Sam ouais. Raimi, James Cameron. Luc Besson à l'époque où il était peroxydé. Peut-être, je sais, la vidéo de Luc Besson elle est au Max Linder, elle est de Max Linder. Je crois que c'était à l'époque où il était plomb peroxydé. Peut-être. Clive Barker aussi a fait ça. Ça m'étonne. Mais en fait, c'est pour ça, je me demande dans quelle mesure est-ce que le film n'est pas facile. C'est juste ça. Mais, moi j'avoue que je prends un plaisir assez évident devant, même si la question de Kevin Williamson, connard, point d'interrogation. Pourquoi? Bah si jamais il me prend pour un con, si jamais dans son... Parce oui. Que, à nouveau, je sais, autant Craven, j'imagine et j'espère que son rapport au genre est positif, Rodriguez aussi, enfin... Il a vu Rodriguez, vu qu'il a démarré dans le bis, mais le bis fini, enfin maintenant, Rodriguez, il a démarré dans le bis, mais aujourd'hui, le bis qu'il fait, c'est du bis pour du bis, genre Machete, enfin, merci, quoi. Mais Williamson, je sais pas dans quelle mesure est-ce que lui, il nous prend pas pour un con. C'est juste ça, le... Je sais pas. Parce que tu vois, par exemple, l'invasion des profanateurs de sépulture, c'est connu pourquoi? Pour sa position politique. Parce que le film est un film ultra politique. Si tu l'enlèves toute sa substance politique... Ultra anti-anticommuniste, en fait. Voilà, c'est ça. Mais si tu l'enlèves toute sa substance politique, il reste quoi? Pas grand-chose. Et là, qu'est-ce qu'il te fait dans le film? Bah, c'est ce qu'il fait. Donc, le film est fun. Le film, pour moi, fonctionne. Mais je lève un 9 ans, c'est le film qui me fait douter de Williamson, on va dire ça comme ça. Après, si tu prends à part le contexte politique du film, une quelconque volonté politique, est-ce que The Faculty, ce serait pas le démon de la fin des années 90? Est-ce que t'es sûr de vouloir dire ça, mec? Non, mais dans le sens où... Est-ce que t'as intérêt à le défendre? Non, mais dans le sens où... C'est très dans son jus, c'est-à-dire que, voilà... C'est le film des années 90, hein. Il est là, c'est lui. Lui et Scream, ils se tiennent la main au haut du podium. Hein. Tu peux pas faire pire. T'as vraiment le... Bah, du coup, la bande-son, on en a parlé, mais voilà, reprendre... Elle est vieille dès la première minute. Alors, j'adore les Offsprings, mais bon, on va pas se mentir, c'est pas un groupe des années 2000, quoi. C'est... Voilà. Et là, t'as Williamson au scénario, t'as des ados, t'as de la drogue, t'as du... Et surtout cet esprit 90 très léger, en fait. Je trouve. Parce que dans les années 2000, et surtout dans les années 2010, aujourd'hui, où je commence, en plus ça me permet de connecter avec mon bilan 2020, mais 2022, mais tu es fort! Aujourd'hui, dans une époque, je trouve de films extrêmement méchants, extrêmement premier degré, pas qui me veulent du mal, mais qui veulent taper, qui veulent gratter là où c'est fait, gratter là où t'as pas envie. Là où ce film-là, qui est un film d'horreur, hein, je veux dire, c'est un film d'horreur, mais plus léger, plus light, et c'est vrai que je pense que t'as raison, je pense qu'il y a ce côté très léger dans son approche du genre. Ouais, c'est ça. Où, enfin, je pense que Rodriguez, est-ce que Rodriguez s'est déjà posé des questions sur ce qu'il filmait? Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est devenu, ça pourrait être un truc à creuser. Maintenant, moi, là où je suis un peu dégoûté, c'est pourquoi est-ce que Williamson n'a jamais transformé l'essai après? Parce que finalement, il fait Scream. Il fait les suites de Scream, évidemment. Il fait The Faculty. Jusqu'au 4, il a pas fait le 5. Oui, il a fait jusqu'au 4, mais ce que je veux dire, il fait les suites de Scream, oui. Entre guillemets. Genre, je pense surtout 1, 2, 3, c'est genre dans cette période. Il fait le... Le 3, c'est 2001, je crois. Ouais, c'est cette période très serrée, 96-2001. Il fait The Faculty, il fait Miss Tingle. Pourquoi? Soit les derniers. Comment? Soit les derniers. Oui, voilà, il fait 4-5 trucs, et après il fait ses séries. Pourquoi est-ce qu'il a lâché, en fait? Ça, je me demande. Parce que... Même s'il est cynique sur le genre, je peux pas nier quelque chose, c'est que ses scripts sont efficaces. Oui. Souviens-toi de tes derniers, j'aime pas le film, j'aime vraiment pas le film. Moi non plus. Mais je peux pas nier que le pitch de base et certains personnages, j'ai toujours mon plaisir très coupable pour Sarah Michelle Gellar, ça fonctionne. C'est ça que je me demande, pourquoi est-ce qu'il a disparu? Bonne question, est-ce qu'on aura la réponse? Je ne pense pas, mais The Faculty, c'est cool. C'est cool, ça se regarde tout seul, juste pour la BO. Et à nouveau, si vous aimez les films de monstres, surtout les films de gros monstres avec des tentacules et de formes diverses et variées, allez-y, c'est tout ce qu'il vous faut. Voilà. Alors, juste... Et Salma Hayek, aussi. Alors juste, on disait, il n'y a que des ingrédients pour que ça marche, et ça a marché, le film a coûté 15 millions, et en a rapporté 63,2. Ah oui, quand même. Avec l'inflation? Non, sans l'inflation, je crois. Ok. Voilà. Donc, ce qui reste un score très bien. Voilà. Quelques anecdotes aussi. Durant le tournage du film, un acteur qui s'appelle Harry J. Knowles a eu vent qu'un petit bouquin allait être adapté, qui s'appelle Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, il a quitté le tournage pour... Non, il a dit à Elijah Wood, hey, va passer le casting, tu corresponds au truc. Est-ce que t'es en train de dire que c'est grâce à The Faculty qu'on a Frodon? C'est ça, Elijah Wood, il y est allé alors qu'il n'avait jamais lu les bouquins. Et il a eu le rôle. Ça me fait penser à Sean Connery qui refuse Gandalf. Parce qu'il comprend pas les scénarios. Gandalf et Morpheus. Parce qu'il comprend pas les scénarios et qui juste après se dit, hey, tu sais quoi, let's go, je fais la Ligue des Gentlemen Extraordinaires. Dommage. C'est comme, dans une moindre mesure, c'est comme Daniel Auteuil qui refuse Intouchable et Bienvenue chez les Ch'tis. Oui, mais après, ça c'est dans une autre démarche. Mais oui, c'est amusant. Ça reste deux des plus gros films français des années 2000. Oui, mais ça, c'est ça qui est amusant, c'est genre, j'ai le nécro, les gars, j'ai le nécro. C'est ça. Watcher et Kimmel, donc ils avaient écrit leur première version du scénario en 90, mais n'ont trouvé aucun acheteur jusqu'au succès de Scream. Qui donc a lancé cette vague de films ultra méta. C'est ça, et de film movie aussi. Et c'est là où les Weinstein se sont dit, hé, il y a un filon. Oh putain. Voilà, et ouais, donc. Ce filon qu'ils ont poncé jusqu'à la mort, parce que c'est à eux qu'on doit les big movies, trucs comme ça après. Hein. Ouais. Et donc ils ont engagé Williamson pour des réécritures, évidemment, pour rendre le film plus chébrant. Yo les how do you do fellow kids, tu sais le même de Steve Buscemi avec le skate là. C'est ça. Ouais. How do you do fellow kids, tu vois, c'est ça. C'est ça. Et donc ils engagent Williamson pour des réécritures, donc pour ajouter des dialogues et des personnages aussi, pour rendre le film plus cool. Ce qui marche en tant que tel, mais après c'est aussi un problème qu'a Williamson, c'est-à-dire que si jamais il écrit un truc, ça sort le lundi suivant, c'est marqué dans son époque. Voilà. Parce que Scream, moi j'adore le film, on n'est pas forcément d'accord, mais c'est le film de 96. The Faculty, c'est le film de 99, 8. Du coup, 98. Dawson, j'ai pas tout vu, mais des quelques épisodes que j'ai vus, ça a l'air bien dans son jus. Bien dans son jus aussi. Vampire Diaries. pareil, Miss Tingle, pareil, et c'est amusant parce que même sur ces suites de Scream, c'est-à-dire Scream 2, c'est pareil que Scream 1, Scream 3, c'est typique du début des années 2000, même si Scream 3, il ne l'a pas écrit. Je crois qu'il a participé, mais c'est pas lui qui l'a écrit tout seul. C'est le seul, je crois, qui n'est pas écrit par lui. Et Scream 4, on aime ou pas le film, mais Scream 4, c'est typique du début des années 2010. Scream 4, c'est mon Scream préféré, c'est bon. Ouais, mais c'est le typique des années 2010, tu vois, c'est Scream 4, il va pas traverser les époques. C'est ce que je veux dire. Alors c'est ça, il a pas écrit, c'est d'après les personnages de Williamson, mais c'est pas... Voilà, ça, il a pas participé au 3. Mais donc, tu vois, c'est ça que je trouve intéressant chez Williamson. Enfin, c'est son principal défaut, c'est que c'est, entre guillemets, cool, mais c'est cool pendant un an. Après ça vieillit. Voilà. Et ça a son charme, mais ça a aussi ses limites, par conséquent. Alors, quelques autres petites anecdotes. Williamson aurait dû réaliser le film. Non, c'est pas plus mal ça. Voilà, mais Miss Tingle, c'est pas super. Bah justement, il était pris sur Miss Tingle, donc les Weinstein sont allés chercher Rodriguez. Bah voilà, tu vois, c'est que Rodriguez, moi, ça ne fait que confirmer peut-être mon idée que Rodriguez est plus un prête-nom qu'autre chose. Voilà. Un prête-nom à peu près efficace quand il a bonne volonté, on va dire. Alors, il y a deux actrices qui ont été approchées pour jouer dans le film. Il y a Sarah Michelle Gellar et Gillian Anderson. Gillian Anderson, ça me dit quelque chose. Scully dans X-Files. Ok, bon bah on va... J'allais dire Scully dans Brooklyn Nine-Nine, mais non. Si jamais il y avait eu Sarah Michelle Gellar, mais ça aurait été le film parfait pour moi. Sarah Michelle Gellar, à savoir, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un plaisir extrêmement coupable sur cette actrice. Elle joue pas très bien, honnêtement. C'est pas une actrice géniale, j'ai pas vu beaucoup de trucs avec... J'ai pas vu Buffy, hein. J'ai pas vu beaucoup de trucs avec elle. J'ai pas vu Buffy non plus, mais... Mais je sais pas. Voilà. Voilà. Scooby-Doo, je m'en fous, c'est plutôt The Grudge. Ouais, The Grudge, depuis The Grudge, j'ai un gros crush sur elle. Je ne sais pas pourquoi, c'est elle. Tatum ? Non, c'est Scream 2, je crois, elle joue dans Scream 2. Ouais, joue dans Scream 2. Ouais. Tatum, c'est Rodolphe Gowan. Voilà. C'est con, mais je sais pas, chaque fois que je la vois, je suis content. C'est un peu comme Patrick Dempsey. C'est pas un super acteur, mais quand je les vois, je le souris comme un débile. Ok. Une actrice a auditionné mais n'a pas été prise, c'est Jessica Alba. Oh, ça c'est dommage. Moi j'aime bien Jessica Alba. Arrêtez de lui donner des razzies. Pour les mêmes raisons que tu aimes Sarah Michelle Gellar. Joker. En plus, elle a vraiment joué dans des bons trucs. Et donc, Cléa Duval, donc, qui est une actrice du film, est une actrice lesbienne qui joue dans le film une hétéro qui prétend être lesbienne pour faire peur aux gens. Yo. Ouais, ça pour le coup c'est un peu creepy quand même. Hein. Ça, quand je te dis que ça vieillit mal, c'est que ça on en a pas parlé, mais je suis lesbienne donc je fais peur. Voilà. T'as envie de faire. Est-ce que t'es sûr de ce que tu dis, mec? Est-ce que t'es sûr? Non, mais c'est dans son jus. C'est dans son jus, on va dire ça comme ça. Est-ce qu'on conclut en disant où le film est dispo? Oui. Il est pas dispo sur des plateformes. Il est pas dispo sur des plateformes. Si. Il est sur Canal en ce moment. Sur Canal, pardon. Ouais. Il est sur Canal en ce moment. Il y a un Blu-ray français édité par Studio Canal. Mais c'est les premiers Blu-ray, donc... Je vais pas dire éviter, parce que je sais pas comment est la copie, honnêtement. Mais les premiers Blu-ray ont pas la réputation d'être de très bonnes factures. Ouais. Voilà. C'est à cette époque-là qu'il y a eu genre le Blu-ray de Hurlement, par exemple. Le premier Blu-ray de Hurlement. Qui est dégueulasse. Par contre, je crois que j'ai jamais vu en Blu-ray. Par contre, il vient de ressortir Hurlement dans une copie 4K. Dans une copie 4K et dans un coffret où il y a deux steelbooks. Il y a celui d'Hurlement. Et de Evil Dead. Et Evil Dead 2. Evil Dead 2, ouais. Voilà, c'est ça. Édité par la Fnac, si je dis pas. Ouais, je l'ai vu à la Fnac l'autre jour. Très beau. C'est deux steelbooks en plus, je crois. C'est deux steelbooks. J'ai déjà le steelbook d'Evil Dead 2, donc je vais pas prendre le coffret. Parce que je suis pas le plus grand fan d'Hurlement. Je l'ai revu au Max Linder en présence de Jordan T. Hurlement 6, c'est mieux. Je crois que c'est le 6. Le 6 ou le 5 où il y a des vampires, qui est pas mal. Ah, je sais pas. Et donc, sinon, le film est dispo dans un très beau Blu-ray collector allemand. Alors, est-ce qu'il est dispo? On ne sait pas. Mais il est limité à 500 exemplaires maintenant. Voilà. C'est les Allemands, est-ce que ça surprend qu'ils éditent quelque chose? Non. Et sinon, si vous avez un VPN et un abonnement à HBO Max, eh ben vous pouvez le voir. Sur HBO Max, et sinon il existe, il est en Blu-ray à peu près partout. Oui, voilà, c'est ça. Il est globalement facilement... Il est ressorti en 2021 en Blu-ray aux US et au Canada. Canada non zoné, a priori. Je ne sais pas, à confirmer. À confirmer. Mais bref, en tout cas, The Faculty, moi c'est un film que je recommande à voir maintenant. Je serais curieux, si vous réagissez à l'épisode, allez-y, on est toujours curieux de dire tout ça. Je serais curieux d'avoir d'autres avis, parce que, ouais. Je ne sais, vraiment, je finirai là-dessus, ma grande interrogation. Est-ce que le film est honnête dans sa démarche, ou est-ce qu'il est ultra cynique? Je pense qu'il est honnête. Pas très malin, mais honnête. Bah, à voir, parce que, à ce moment-là, est-ce que c'est pas un peu comme Scream? Est-ce que, à ce moment-là... Est-ce que c'est pas Rodriguez qui est honnête, Williamson qui est cynique, tu vois, ça... C'est pour être ça, parce que c'est filmé de façon très premier degré, ça c'est sûr, mais c'est juste ce qu'il y a derrière. Mais après, pour citer Anal Génocide, il faut arrêter de partir du principe que les gens sont malveillants Non, je dis pas ça. Et partir du principe que les gens sont bêtes, parce qu'il y a beaucoup plus de gens bêtes que de gens malveillants. En fait, je pense que Williamson n'est pas bête. Je pense pas que ce soit quelqu'un de bête. Maintenant, le problème, c'est que je n'ai jamais vu d'interview de lui qui a d'autres références que celles qu'il te donne dans ses films. Ce qui fait que, dans ce cas-là, la seule référence de slasher qu'il a, c'est Halloween. Et la seule référence de body snatchers qu'il a, c'est l'invasion des profanateurs original. Ce qui, j'ai pas encore vu le remake d'ailleurs. De Ferrara parce qu'il y en a eu deux des remakes. Celui avec Kiefer Sutherland. Très bon remake, c'est peut-être mon préféré. Je sais pas, et il y a celui avec Kidman et Craig aussi. Qui est compliqué. Enfin, de Ferrara. Il y a beaucoup de gens derrière, on va dire. Mais en fait, c'est ça le problème, c'est que si jamais il te donne que c'est beaucoup d'interrogations sur Williamson, je ne sais pas. Maintenant, je ne peux pas nier que je prends un immense plaisir devant le film. Ah oui, clairement. Mais c'est un peu. C'est comme Scream, c'est-à-dire que dans son époque. Voilà. Mais si vous êtes prêt à voir Scream avec des aliens, et à nouveau, si vous aimez les films de monstres, allez-y, c'est du tout bon. À l'exception, peut-être tu l'as mentionné, de quelques effets 3D. Un peu cracra, mais il y a encore un peu de prosthétique qui est beau. Le monstre à la fin, je sais pas s'il est en 3D ou pas. Je crois que c'est un aussi gros monstre comme ça. Mais c'est de la 3D qui passe. C'est-à-dire que c'est à peu près bien filmé, donc ça passe. C'est encore l'époque où Rodriguez faisait des efforts, on va dire. Ça va, parce que. Après, il a fait. Ah bah non, même Sin City, c'est un prête-nom pour Tarantino et Miller. Hein. Genre, c'est ça parce que. Bah, de ce que j'ai entendu, oui, je peux pas m'avancer, mais. En fait, Sin City, rapidement sur Rodriguez, Sin City, c'est un film qui est visuellement magnifique. C'est un film que je trouve vraiment très très beau. Même si ses enfants sont dégueulasses, enfin ses enfants, tous les enfants illégitimes qu'il aura eu sont dégueulasses, je pense notamment à Max Payne, à tout hasard. C'est Shorts, le film avec le caillou qui exauce des vœux. Mais tiens, vraiment, là je suis sur sa filmographie, il aura fait. Bah si, Planète Terreur, qui est peut-être aussi un Que je vois les Grindhouse de Tarantino et Rodriguez. Je trouve que c'est un très bon film qu'il aura fait, mais tu vois, Sin City, dès que t'as plus Tarantino derrière, bah il fait Sin City 2. J'ai tué pour elle. Il réussit à rater Eva Green Sexy. Enfin, ça, faut quand même le concevoir. C'est comme Zemeckis qui rate Tom Hanks, son vieux monsieur gentil. Ouais, c'est de ce niveau-là. Très, très belle référence, ma foi. Tiens, bilan horreur, il sera pas dedans, mais bilan horrible, lui aussi, il serait dedans. Tiens, après, il fait Machete 1. Je le trouve horrible, mais on va dire que Machete 1, entre guillemets, ça passe. Mais à côté, il fait Machete 2. Machete 2, c'est irregardable. Machete 2, c'est vraiment horrible. Donc voilà, Rodriguez, j'ai énormément d'interrogations sur lui. Je ne comprends pas qui il est, que veut-il, quel est son projet. Je ne sais pas quels sont ses réseaux, finalement. Qui est-il, Mathilde, ce terrible géant des nouveaux temps. Voilà, mais ça, Rodriguez, beaucoup d'interrogations, mais ce que je peux dire, c'est que jusqu'à... Tiens, là, de tête, les bons films qu'il a fait, enfin, bons films, films que moi, j'aime bien, en tout cas, je te dirais The Faculty, la trilogie d'Esperado, Sin City, Alita, j'adore Alita. Alita, c'est très cool, je trouve. Ça fait 3 ans et demi que je l'ai pas revu. Je trouve ce film fantastique. Ouais. Vraiment, la séquence de Rollerball, de Motorball, je trouve ça fabuleux. Après, j'en oublie peut-être quelques-uns, tu vois, mais c'est. Fait... Une Nuit en Enfer, j'aime beaucoup Une Nuit en Enfer. Je trouve vraiment très. Surtout Une Nuit en Enfer, j'aime bien. Correct, mais. Je trouve que t'as deux parties très fun. Genre, la partie pure polar tarantinesque et la partie beaucoup plus bourrine débile. J'aime beaucoup le plan de fin. Oui, mais. Avec la pyramide, les voitures, voilà. Moi, j'aime bien le pistolet de Sex Machine. Oui, bah voilà. C'est comme Savini en plus. Voilà, c'est ça. C'est vraiment Une Nuit en Enfer, j'ai beaucoup de sympathie pour ce film. Maintenant, Rodriguez, beaucoup d'interrogations. Mais je pense que c'est quelqu'un qui au départ était honnête. Et donc, on enchaîne, on passe le cap des années 90. On arrive dans les années 2000. Années 2000 veut dire effets spéciaux des années 2000. Et je pense que ton film, dans sa catégorie, c'est pas le pire, mais ton film va témoigner de ce changement d'ambiance. The Faculty l'avait amorcé. Arak Attack va le confirmer. Roman, as-tu peur des araignées? Putain, j'ai fait une rime. Eh, je suis trop fort. Vas-y. Roman. Sucez-moi la bite. Non. Roman, la Spider Squadation. Toi, suce-moi. Et toi, gobe-moi. je vais démarrer par cette question. Toi, Roman, la Spider Squadation, pour ou contre? Alors, la Spider Squadation. Est-ce que t'en as vu beaucoup? Bah, justement, non. Ça répond à ma question. Parce que moi, j'en ai vu beaucoup. Ouais, tu m'as dit. Bah, en fait. Faut ça, moi je suis fan de pas mal d'exploitations, c'est-à-dire moi la brusploitation j'adore, les films de zombies j'adore, même les films de prison de femmes j'aime bien. Mais alors la Spider-sploitation. Les Women Cage. Ah les Women Cage mec. Shark Kansas Woman Prison Massacre. je l'ai vu ce truc. Maintenant, la Spider-sploitation, je sais pas pourquoi, j'en ai toujours eu rien à foutre. C'est-à-dire qu'il y a un film d'araignée que j'aime énormément, qui est Arachnophobia. Qui est un film que j'ai pas encore vu, mais qu'il faut que je voie. Qui est un film qui m'a traumatisé et que j'ai toujours beaucoup de mal à revoir d'ailleurs aussi aujourd'hui. Surtout c'est des vraies araignées que tu disais dedans. Mais en fait, après il y en a eu plein. Si vous aimez les Spider Sensation, un que je recommande, modérément, mais quand même, c'est Big Ass Spider. Oui, voilà, l'araignée au gros cul, si vous vous demandez. Alors. Non, bah, bigas, c'est une expression pour dire genre vraiment gros. Bah écoute, l'araignée vraiment grosse. Voilà. Voilà, après, enfin, Ice Spider, je sais pas, Fire Spider, l'avalante, tout là, ce que tu veux. De la merde, de la merde. Spiders 3D, Tibor Takacs, réalisateur de The Gate, qui tombe. Le The Gate, le film 80. Ouais, qui est bien. Ouais, c'est le bon film. Donc, ouais, que de la merde. Et alors, j'avoue que c'est toi qui l'a pris celui-là. Alors, c'est. Non, alors, c'est toi qui l'as pris parce que toi, tu l'avais pas vu. Attends, celui-là a été. Ah oui, alors juste, on l'a pas dit. The Faculty proposé par Melvin. Melvin de la 7ème dimension. Attends, celui-là. Et celui-là proposé par Adam Gameology. Adam Gameology, voilà, qui est un nouveau ami à moi, qui est quelqu'un que je trouve très éminemment sympathique, on va dire. Eh ben. Et donc, toi, alors, Arak Attack, je vais poser le contexte rapidement. J'avais peur de ce film. Je ne l'ai jamais vu, mais peur dans le sens, l'affiche, je la trouve ignoble. Et, je sais pas, le film, pour moi, puait le cynisme pas drôle des années 2000. Je n'ai jamais voulu le voir pour cette raison. Je te laisse démarrer, je dirai après si mon avis a été bouleversé par le visage. Alors, Arak Attack, donc on va commencer par quelques aspects techniques. Donc c'est sorti le 17 juillet 2002 aux États-Unis, le 31 juillet 2002 en France. C'est réalisé par Ellery El-Kayem, qui a réalisé le court-métrage Larger Than Life, mm-hmm. dont est tiré Arak Attack, en fait. Voilà, court-métrage qui est d'ailleurs disponible dans les bonus du DVD français, okay. Si vous voulez voir, et sur YouTube. Je le regarderai sur YouTube. Voilà. Qui a réalisé le téléfilm Éclosion, film, encore une fois un film de babette, mais avec des cafards cette fois. Quand t'es passionné, tu l'es pas à moitié. Ah non, mais niveau truc avec des cafards, le terrassement de Creepshow, il est terrifiant. Hein. Ah, mais oui, mais tout Creepshow, j'aime bien. Enfin, Creepshow est excellent. Et qui a réalisé Return of the Living Dead Necropolis. Je sais pas pourquoi, mais ça pue la suite des télés bas de gamme. Je sais pas, l'instinct. Donc, c'est écrit par El-Kayem, donc. Randy Cornfield qui a écrit mon sacro-saint film de Noël, La course aux jouets. Je pense une gare en grande forme. Voilà. L'époque où son sourire était terrifiant. Put that cookie down! Now! En vrai, c'est fun. Surtout, c'est fait par Ramis, non? Tu veux que. Harold Ramis? Non, pas du tout. C'est qui La course aux jouets? La course aux jouets, putain, j'ai oublié le nom du réal. Attends, je vais trouver, je te laisse continuer, je vais trouver. Et donc, c'est aussi co-écrit par Jesse Alexander. Un mec qui a écrit pour des séries comme Alias, Heroes, Hannibal, Star Trek Discovery et American Gods. Voilà. J'ai vu quelques épisodes d'Alias, j'ai vu quelques épisodes d'Hannibal, c'est tout. J'ai vu rien de tout ça. Au casting, eh ben, on a notre grand David Arquette. Alors la course aux jouets, c'est Brian Levent, je m'en excuse, voilà, Brian c'est le mec qui a fait Beethoven. Donc, vous savez, on a David Arquette qui bah, est du coup le Dewey dans Scream. Dewey dans Scream, le Dewey de la pentalogie Scream, mais qui est aussi joué dans Bone Tomahawk, la série Creepshow, dans Voraz. Qui est le frère de Rosanna Arquette et de Patricia Arquette. Ouais. Dans Voraz, dans Friends, enfin, dans un épisode de Friends, dans Buffy, dans le film Buffy. Chaque fois qu'on dit Voraz, je me sens obligé de faire un signe de croix. J'adore ce film. Prions Guy Pearce. Guy Pearce, mais moi j'avoue que Voraz, surtout dans Voraz, il joue le teubé. Oui. Moi j'adore. Voraz qui est un film. Alors, c'est pas un film parfait, mais si vous aimez les films imprévisibles, alors ça, comme, qui était dans l'horreur de festival, je l'avais dans mis la dedans. Première édition, ouais. Ouais. Je m'étais bien fait chier d'ailleurs. Mais... Ça peut se comprendre, mais si vous aimez les films imprévisibles et twistés, on va dire, Voraz, allez-y, par Antonia Bird, je crois, qui est un film des années 90 qui a tendance à être oublié, mais il ne faut pas oublier Voraz. On a aussi Carrie Bauer dans le film qui a joué dans Anaconda, La peau sur les os, King of Ends ou Hellraiser 7. King of Ends? King of Ends. De Gordon, ouais. King of the Ends. King of the Ends, pardon. Ouais, donc déjà, elle a fait Anaconda, La peau sur les os et King of the Ends. Je la remercie. Et Hellraiser 7. C'est Tedder, Hellraiser 7. Oh putain, c'est un de ceux de Rick Botta. Peut-être. C'est un de ceux de Rick Botta, il a fait 6, 7, 8. Merde! Tu vois, Hellraiser, on fera jamais d'épisode. Parce que passer les 3 premiers, il n'y a que de la merde. Enfin non. Passer les 5 premiers. Oui, parce que le 5, c'est Derrickson. Ouais, qui a un point de vue sur son film qui est... Cherchez le point de vue de Scott Derrickson sur Hellraiser 5, c'est amusant à voir, surtout si vous avez vu les deux premiers. Ok, c'est bon, on a aussi Scott Terra, qui a joué dans Charmed et qui a joué dans Daredevil. Il joue Matt Murdock enfant dans le film avec Ben Affleck. Je m'en rappelle pas. on a évidemment, celle qu'on ne présente plus, Scarlett Johansson. Voilà. Scarlett Johansson avant. Ah. Scarlett Johansson, pré-Iron Man 2, pré-MCU. Ouais, c'est ça, Scarlett Johansson bah, en 2002, donc 6 ans avant Iron Man, bah du coup 8 ans avant Iron Man 2. Du coup, elle avait quel âge? Elle devait avoir 18 ans, 17 ans. Ça se vérifie, on coupera. Ça se vérifie tout de suite. Elle est née en 84. Donc elle avait 18 ans quand le film est sorti. Et justement cette scène où elle se fait recouvrir de toile d'araignée. Oui, un liquide très blanchâtre. Je pense que beaucoup de gens ont dû voir cette scène et je n'ai pas forcément envie de connaître la réaction de tous les fans de Scarlett Johansson. Voilà, moi non plus. Par contre, je pense que c'est les mêmes qui doivent gueuler derrière The Island, tu vois, c'est les mêmes. Par contre, il y a la scène où un mec fait un peu beaucoup le forceur avec elle et qu'elle lui tasse les couilles. Elle tasse les couilles et elle se barre avec sa voiture. Voilà. Je pense que ça, c'est le meilleur geste à faire. C'est-à-dire que tu le rends impuissant et tu t'en vas avec sa caisse. Tu te barres avec son gros cylindré. Voilà, Tu t'en vas avec sa caisse et si possible, tu mets sa musique à fond. Fais comme ça, jusqu'au bout, tu assertes dominance sur le... Sur le connard, on peut dire ça comme ça. Voilà, et on a Doug Doug. Enfin, Doug I Doug, mais Doug Doug. Qui est dans le Mobile Blues de Spike Lee, mais qui est surtout Sanka dans Rasta Rocket. Ouais, je le connais, mais j'ai pas vu le Spike Lee dans Rasta Rocket. Mais voilà, Sanka dans Rasta Rocket, c'est pour ça que j'ai vu Rasta Rocket récemment d'ailleurs. Eh ben, tu vas pousser le complétisme loin. Hein. Tu vois, moi je me suis pas fait tous les David Arquette. Hein, j'avoue que ça me fait peur. À la musique, on a John Ottman. Dont j'avais oublié de parler dans l'épisode où on parlait d'Halloween 20 ans après. Il a fait quoi? 20 ans après Halloween, 20 ans après. Il est le compositeur titré de beaucoup de films de Bryan Singer. Ah. C'est-à-dire qu'il a composé la musique de Usual Suspect, Un élève doué, X-Men 2, Days of Future Past, Apocalypse, Valkyrie, Superman Returns, Jack le chasseur de géants. Ouais, bon, pas ouf quand même. Moi j'aime bien la musique de Usual Suspect, mais elle est. Enfin, c'est des X-Men? Ouais, The X-Men elle est cool, The X-Men elle est bien. Après, c'est. Ouais, j'ai toujours trouvé que Bryan Singer est un réalisateur très transparent, on va dire. Et il a composé pour d'autres films de super-héros comme Les 4 Fantastiques 1 et 2. Ouh. Et sinon, il s'est illustré sur Disjoncté, Halloween 21. J'adore Disjoncté. Je l'ai pas encore vu. Disjoncté, alors. C'est un film qui s'est fait défoncer à 50 si je dis pas de bêtises. Je le trouve incroyable. Et c'est pas une blague. Dedans, t'as Jim Carrey qui chante Somebody to Love de Jefferson Airplane. Scène incroyable. Vraiment, Disjoncté, c'est peut-être. C'est pas mon film préféré de Ben Stiller, j'avoue que j'adore La vie rêvée de Walter Mitty, mais... J'ai pas encore vu ça. Ah mais, Disjoncté, ça tue, c'est pas une blague. En plus, t'as Matthew Broderick dedans, donc... Ouais. Mais, bonne période encore, donc vraiment, c'est génial. Après Godzilla. Continue. Lake Placid. Oh. Le 1, ça va. Le 1, ça va. Ouais, il a fait le 1. Urban Legend 2. Qui est écrit par Scott Derrickson, d'ailleurs. L'excellent Gothica de Mathieu Kassovitz. Oh putain, Ken. Waouh, attends. Si, il y a Halle Berry, il y a Robert Downey Jr. C'est ça, Halle Berry dans le principal, ouais. Et oh, putain, mec, j'ai lancé un boomerang il y a 7 ans, il vient de me revenir en pleine gueule. Oh merde, oh, c'était pas bon ça. Ça doit faire 10 ans que j'ai pas vu le film. Mais surtout, c'est dans la période Rivière Pourpre de Kassovitz. C'est ça, ouais. Bah, Rivière Pourpre, c'est bien mis en scène, mais c'est pas super intéressant. Enfin, c'est bien, mais c'est pas voilà. Oh putain, Gothica. Oh, quelle merde! L'avantage de Gothica, c'est que ça me fait me dire que Babylon AD est pas son pire film. J'ai toujours pas vu. Bah, en fait, faut le voir, mais faut faire un double programme. Faut faire Babylon AD et Fucking Kassovitz, le documentaire sur le film. Et en fait, bah, c'est simple. Tu mets dans la même pièce Mathieu Kassovitz et Vin Diesel. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bah, réponse, tout. C'est pas comme si les deux avaient beaucoup d'ego. Non, mais... Ouais, enfin, beaucoup d'ego, et l'un a quand même plus raison de l'avoir que l'autre. Un indice, celui qui a raison de l'avoir, il a des cheveux. Mais honnêtement, enfin. Ce documentaire il est fascinant parce que tu vois que Vin Diesel est genre. Et que Kassovitz en face de lui. Pourquoi t'as fait voix de Stallone dans le guignol? Je fais de mon mieux. Mais tu verras, Kassovitz face à Vin Diesel il est tout aussi con. Hein, mais bref, continue. De quelques films de Jaume Colessera. Lesquels? Les biens ou les pas biens? La maison de Cire et Esther. Le bien. Et Non-Stop et sans identité. Oh putain, sa période... Les Liam Neeson Exploitation. Les Liam Neeson affiches interchangeables. Ça, c'est génial, il a toujours la même tête. Genre, tu fais, mais t'as fait Taken une fois, mon grand, t'arrives plus à t'en sortir. Quoi, c'est... Et aussi sur Invasion, le deuxième remake du coup des Profanateurs. Ok. Voilà, j'ai cité beaucoup de trucs sur lui, mais... Voilà. Ça méritait. Voilà, on a pu divaguer. Il y avait toute la carrière de Singer, il y avait Gothica. Je te préviens, je pense que je parlerai plus de cette divagation que de Arak Attack. Au chef-op, on a John S. Bartley, chef-op sur Bates Motel, sur beaucoup de séries, Bates Motel, Vikings, Lost, X-Files, 21 Jump Street, Et en film, Détour mortel, Les Chroniques de Riddick et le remake de Robocop. Ok, parce que t'es au courant que ce qu'il fait actuellement sur Arak Attack, c'est pénalement répréhensible d'être aussi moche. Genre, enfin, c'est un téléfilm. Enfin, sur le net, la photo elle est pas belle. Enfin, visuellement, le film est raté. Je parle pas de tout le reste, je parle uniquement pour mes mirettes. Le film est raté. Mais, Détour mortel, j'aime beaucoup. J'aime bien Détour mortel. J'aime beaucoup Détour mortel. J'ai pas vu la saga, j'ai vu que le... Ah, faut voir la saga, le 4 est dégueulasse. J'ai le DVD du 4, c'est les deux trucs que j'ai le DVD, c'est le 1 et le 4. J'aime bien les trois premiers, le 4 est dégueulasse, j'aime pas le 5, j'aime pas le 6. Et le remake, j'en ai rien à foutre. Et le préquel, la Fondation ? J'en ai rien à foutre. C'est celui que j'appelle le remake. Ah, ok. Mais voilà, là, je trouve le film, visuellement, pour moi, c'est du téléfilm, hein. Vraiment. C'est du téléfilm sympa et du téléfilm visuellement, quoi. Alors, mais du coup, Corentin, qu'est-ce que tu penses d'Arak Attack ? Tu veux pas faire un résumé d'abord ? Alors, tu me diras le résumé, je pense que tout est dans le titre. Mais... En résumé, il y a des produits toxiques qui ont été déversés dans un lac et un mec qui s'appelle Joshua qui nourrit ses petites araignées avec des bébêtes qui étaient dans ce lac. Ce qui fait que du coup, les araignées grandissent de manière démesurée et attaquent la petite ville de. Je crois que c'est Prosperity ou un truc comme ça, c'est vraiment. Le nom de base. Ouais, le nom de ville tranquille. Dans le Midwest, vraiment, c'est. Voilà. Alors, Arak Attack. Alors, Arak Attack, comme je disais, j'avais très très peur de le voir en fait. Parce que je me disais, ça va être une comédie pas drôle, ça va être une espèce de petite comédie qui se croit maligne et qui en fait, non. Maintenant, c'est de la Spider-Exploitation. Donc en plus, je partais sur de mauvais auspices. Et je trouve que le film se tient étonnamment. C'est-à-dire que je pense qu'il bat des mots en termes de débilité. On a quand même une araignée qui attaque une tête de cerf empaillée. Ouais, ça. Et qui crache. Ça, je trouve ça trop drôle. Elle attaque et... C'est ça. On a les araignées qui rugissent. On a un les araignées qui rugissent. Oh putain, celle-là. On a un putain de combat de kung-fu dans les murs entre un chat et une araignée. Oui, ça va. Non, mais avec de Kung Fu, il faut imaginer, les murs se font déformer, quoi. Et prennent la forme de l'araignée et du chat, c'est... Voilà, ouais, ça. C'est vraiment du Kung Fu, hein. Maintenant, je peux pas nier quelque chose, c'est que je trouve que, dans le genre, alors après j'ai pas tout vu, mais de ce que j'ai vu, c'est... Ça se tient étonnamment bien. C'est-à-dire que les effets spéciaux sont pas beaux. C'est du numérique partout, et ça. Mais ça se tient à peu près, c'est correct, on va dire. C'est pas beau, mais c'est pas non plus du... C'est du numérique en 2002, c'est-à-dire... Est-ce qu'on pouvait faire beaucoup mieux ? Mais c'est un peu The Faculty, c'est-à-dire que ça va, c'est pardonnable. Parce que c'est à peu près bien incrusté. C'est-à-dire, en fait, comment dire, c'est que le modèle est pas beau, mais l'incrustation est correcte. C'est ce que je veux dire. Ouais, c'est-à-dire que, après, ça souffre forcément de la comparaison, et la même année que le film, on a Aragog dans Harry Potter 2. Oui, mais c'est aussi, pas, je pense, pas le même budget. C'est pas le même budget. Après, on a l'année d'après, on a Arachné dans L'Ordre de l'Oie. Ouais, donc c'est compliqué. Mais maintenant, après, je peux dire, Argana, est-ce que j'ai passé un bon moment ? Oui. Est-ce que... Oh putain, oui, aussi, la course de moto contre des araignées. Oui ! J'étais plié en deux. Ça, par contre, ça, c'était marrant. C'est génial. Voilà, après, est-ce que c'est un film que j'ai... Des araignées sauteuses. Ouais, des araignées qui sautent un peu partout. Est-ce que c'est un film que j'ai envie de défendre ? Non, aussi, parce que je trouve que David Arquette, dedans, il en a rien à foutre. Je le trouve mauvais dedans, mais... En fait, pendant tout le film, j'ai l'impression qu'il est en sous-régime, et surtout... Après, il y a une scène qui m'a fait rire, j'avoue. Le parfum. Non, c'est lorsqu'il veut avouer ses sentiments à la fille qu'il aime. La fille fait « Ouais, tu m'aimes depuis l'enfance, tu voulais pas me le dire, je le sais, mon père me l'a dit. » Moi, j'ai bien parlé. J'avoue que ça m'a fait rire. Tiens, le film a quand même quelques touches d'humour comme ça qui fonctionnent plutôt bien. Genre le madame qui se fait jeter du haut du toit, qui arrive en bas et qui essaie d'ouvrir la porte, et la porte, elle est fermée. Ça, c'est marrant. Mais à côté de ça, il y a vraiment des touches d'humour que je trouve ultra forcées. Genre, le personnage du Renoir, là, qui fait de la radio, je le trouve infernal. Scarlett Johansson... Oui, il fait marrer, le Renoir. Ce qui peut se comprendre, mais Scarlett Johansson, par exemple, aussi, me fait pas rire du tout. Il y a une scène qui me fait rire, c'est lorsqu'elle se fait arrêter par sa mère. Elle était en mode « Ça va, maman ?» et tout. Mais ça, je trouve, c'est rigolo. Mais, je sais pas, pour moi, le gros problème, ça fait quand même des acteurs, notamment la copine de David Arquette, qui, je trouve, ressemblait à Eva Mendes. Je sais pas pourquoi, mais genre, un tout petit peu. Je sais pas pourquoi, mais je sais pas, je les trouve vraiment pas bons. Maintenant, je pense que le film est quand même fait avec un peu d'honnêteté. Je pense qu'il voulait vraiment faire quelque chose, et l'air de rien, il a réussi. Enfin, quand on voit tous les enfants qu'il y a eu après, je sais pas si les enfants ont eu, mais tous les trucs de Spider-Exploitation qu'il y a eu après, enfin, j'ai recommandé, entre guillemets, Biggest Spider, Arak Attack, c'est son faux mieux. Arak Attack, ça se tient bien du tout, à nouveau, c'est un film court. C'est toujours bien. Oui. Ah, donc, j'avais peur de le voir. Est-ce que c'est mieux que ce à quoi je m'attendais ? Oui, notamment parce que c'est plus honnête, tous les gags sont pas des gags méta sur le fait genre « Oh lol, c'est des araignées », non, t'as vraiment des gags un peu vraiment chercher. Et surtout, la variété d'espèces d'araignées permet quand même différentes situations. Ouais, ça permet de relancer la tension de temps en temps. Ce que je, ce que j'avais vraiment, c'est que ouais, t'as du coup les différentes espèces d'araignées qui permettent du coup de varier les tons. T'as la tarentule du coup qui permet des trucs un peu plus sérieux, un peu plus angoissants, et t'as les sautos qui permettent des grosses scènes d'action avec les motos. Enfin, c'est. Oui, boing boing, c'est ça. Il existe un montage YouTube avec toutes les scènes avec les sauteuses où chaque fois qu'elles sautent, t'entends boing. C'est super drôle. C'est pour ça, soin, tu vois, c'est trop drôle. Voilà, après, pour moi, le film a vraiment des problèmes, genre techniques. Il y a une réplique que j'adore aussi au début, c'est quand Joshua explique au gosse que les araignées mâles chassent pour l'araignée femelle pour lui amener, pour qu'elle sache ensuite qui elle va choisir. C'est lui la femelle. Et il dit toutes les femmes même qu'on leur apporte le pied d'âge au lit. C'est marrant. C'est gentiment sexiste. Voilà, j'aime bien. Voilà, c'est dans les années 2000, c'est dans les années 2000. Maintenant, ce qui est amusant, enfin, pour moi, le gros défaut, c'est vraiment les problèmes techniques. Surtout le film, c'est à nouveau, c'est un film des années 2000. Et autant The Faculty, je trouve que ça a un charme, autant lui. Ouf, c'est. C'est vrai que je préfère The Faculty. Ouais, moi aussi je préfère The Faculty parce non, que. Non, je le préfère à The Ah, Faculty. ok, ça peut se comprendre, mais moi je trouve The Faculty un charme qui fonctionne mieux là où lui, je trouve trop bête et surtout trop. Comment dire? Il manque de recul par rapport à son sujet, je pense. Je pense que si tu refais le même film, rajoutons quand même 1 ou 2 millions si possible sur les effets visuels. Alors. Et en étant un peu plus fin dans l'écriture et peut-être dans l'approche du média araignée, entre guillemets. Tu peux avoir vraiment quelque chose d'amusant. Ok, Là, alors je trouve que le film se prend au sérieux. Et ça, pour moi, un d'après défaut. toi, tu parlais du budget effet visuel, combien a coûté le film? Je sais pas, je te dis, ouais, là, comme ça, avec le budget, avec le salaire Ah, des acteurs, tout confondu. 5 millions? 30. Le budget effet visuel, Vas-y. 10. Ok, ouais, mais Un tiers du budget était alloué aux effets spéciaux et effets Ouais, mais visuels. du coup, tu te retrouves. Mais c'est les technologies des années 2000 qui limitent C'est le truc. ça, voilà. Mais du coup, c'est pour ça. Moi, je trouve que le film se prend trop au sérieux par rapport à ce qu'il est. J'aurais aimé qu'il ait un peu plus de recul. Peut-être un petit peu plus de second degré, un petit peu, pas non plus trop, parce que bon, ça m'aurait gonflé. Et pour. Je pense que. Je pense que le fait s'il avait pu avoir prendre un peu, s'il avait pu avoir un petit peu de second degré, ça m'aurait permis de me dire, ok, le film a conscient qu'il s'appelle quand même Eight-Legged Freaks ou Arakatak. Ça va. Là où le fait qu'il se prenne au sérieux fait que je sais pas trop comment me positionner par rapport à lui. Mais c'était bien moins pire que ce à quoi je m'attendais, parce que honnêtement. J'ai retardé à le voir parce que vraiment j'avais peur. Enfin, j'ai tardé à le voir parce que j'avais peur. Je me disais, mais je vais me retrouver face à un truc irregardable, quoi. Mais voilà, ça va, ça va, ça va. Bah moi ce que j'en pense c'est que bah, je vais être plus gentil que toi, c'est-à-dire que Arakatak, Il est dur à dire, hein! Il est dur à dire le titre! C'est plus d'une fois je me suis cassé la gueule, hein! Arakatak, C'est bien. Arakatak, les monstres à 8 pattes. Je trouve que c'est une très bonne comédie d'horreur. C'est-à-dire que vraiment. J'ai vu des gens, notamment la chaîne Monstres de Films. Je recommande la chaîne d'ailleurs si vous aimez un peu les films de monstres et les films de bébêtes, tout ça. Ouais, plutôt pas mal d'ailleurs. J'ai pas vu tout à nouveau, je suis beaucoup moins YouTube que toi, mais des quelques vidéos que j'ai vues, c'est vraiment pas mal. J'ai vu la vidéo sur The Crypt, qui est vraiment Oui, bien. ben justement, il a fait beaucoup de vidéos, notamment de vidéos sur les films de monstres. Et ben, c'est le principe de la chaîne en même temps, mais la vidéo sur Arakatak, voilà, lui il trouve que le film c'est un film qu'il aime, mais qu'il trouve mauvais parce qu'il trouve qu'il y a trop de cul entre deux chaises. Moi je trouve qu'il assume plutôt pleinement le parti pris de l'humour, là où un film comme Scream, ah je trouve le cul entre deux chaises. Bah en fait, si tu compares les deux, je trouve que Scream est plus honnête, enfin, Scream est plus direct, c'est-à-dire Scream se veut film d'horreur, là où Arakatak, je pense qu'il a raison, c'est-à-dire que Arakatak a quand même des scènes super sérieuses. La scène de fin dans la mine, quand même super sérieuse, Oui. t'as plein de scènes avec les araignées très sérieuses, mais à côté t'as des scènes de comédie assez improbables. Par exemple, la scène où, enfin pour moi une scène qui illustre bien maintenant que j'y pense, c'est la scène où Sarah Johnson se fait attaquer dans sa chambre, c'est-à-dire que la scène est angoissante, elle démarre, elle est. Enfin, c'est quand même une araignée géante qui s'introduit dans la chambre d'une jeune fille potentiellement mineure, donc c'est quand même plutôt angoissant. Et à la fin, elle se fait cracher dessus. Bon, enfin, c'est vraiment une métaphore sexuelle. Enfin, c'est Voilà. difficile de voir autre chose, mais du coup, ça en devient super drôle. Et enfin, super drôle, ça se veut super drôle. Et du coup, tu sais pas vraiment. Là où Scream, j'ai aucune scène qui me fait ça. Là où Arakatak, vraiment, t'as des Bah, scènes. là où Scream, voir le tueur constamment se casser la gueule. Oui, mais ça, je pense que ça va plus. C'est pas tant vouloir un effet comique plus que plus la déconstruction du genre du slasher par rapport à un Michael Myers qui est totalement inarrêtable et invincible. Je pense que c'est plus comme ça. Après, la comparaison va pas forcément plus loin, mais je vois ce qu'il veut dire sur le fait que Arakatak ne sait pas, enfin ne sait pas, a du mal à se positionner entre les deux. Parce que l'air de rien, la comédie horrifique, sur un épisode, on en parlera sûrement, mais c'est quand même super dur à faire. Oui. Et Arakatak manque de finesse pour. J'arrive bien à le dire, mais Arakatak manque de finesse pour bien faire les deux, parce que il est drôle, ça c'est sûr. Mais il manque le côté vraiment horrifique. C'est-à-dire, dès qu'une scène horrifique démarre, elle est tout de suite désamorcée. Par exemple, la scène de fin dans la mine, elle pourrait être super angoissante, mais moi, je suis désolé, l'échange entre Dewey, enfin, David Arquette. Et sa copine, il me fait trop rire. Que genre, attends, je dois te dire un truc. Alors oui, je sais tout ce que tu dois me dire. Eh ben. Eh ben, j'ai bien parlé. Eh ben. Mais si, tu l'as vu en VO ou en VF? VF. La VF est incroyable. Enfin, incroyable. Oui. Elle rajoute au côté comédie. Je pense que la VF, elle a su se positionner. Voilà. Attends, tu diras. 8 Late Freaks, en VO ça passe, Arak Attack, quelle que soit la langue, j'y crois pas. Bah justement, le film aurait dû s'appeler Arak Attack en VO. C'est quand même con, ils disent pas araignée. Ah, arachnide, peut-être. Non, mais le au début du film, quand t'as Joshua qui présente au gosse ses araignées, oui, il dit une Arak Attack. Une Arak Attack, voilà. Et c'est repris après quand t'as le gosse qui voit l'araignée, il dit une Arak Attack. Voilà. Et on parlait de David Arquette, mais moi David Arquette il m'éclate dans le film. Tu trouves qu'il est en sous-régime? Ah ouais. Je trouve pas, mais... Il est pas autant en sous-régime que dans Scream 5. Quand même. Après, ça a toujours été un acteur qui est fragile, je pense. Et là, en l'occurrence, je trouve qu'on lui... Je me demande dans quelle mesure est-ce qu'on l'a pas pris pour qu'il... Pour surfer, on va dire, sur son effet de mode Scream. Peut-être. Et là, je trouve qu'il est vraiment... Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'il sait pas ce qu'il fait là. C'est juste deux ans. Même si, évidemment, il a une espèce de nonchalance naturelle qui fonctionne toujours. Je peux pas dire qu'il est mauvais dans le film. Enfin, mauvais. Si j'ai dit qu'il était mauvais, mais je trouve juste qu'il est pas suffisamment bien exploité. Il y a un peu de ça. Et il y a aussi une autre scène qui me fait hurler de rire. C'est quand le complotiste se retrouve avec le fusil de Lee Harvey Oswald dans les mains. Ça c'est marrant. Mais même quand t'as le chef de la police qui cherche dans les armes pour se défendre contre les araignées, le fusil d'Oswald, qu'est-ce qu'il fout là? Bon bah ok, vas-y. Sachant que plutôt dans le film, il y a le complotiste qui fait il balance plein de théories du complot et après il dit. Et qui dit, vous pensez vraiment que c'est Oswald? Bien sûr que non. Non mais. Après, j'ai beau tomber sur le film a quand même des scènes vraiment drôles. Genre, moi les scènes du complotiste, elles m'éclatent. Je trouve pas drôle, mais il est tellement con que ses interactions avec les autres personnages peuvent faire sourire. Et c'est Sanka. Il a ce truc Sanka. Voilà. Et moi, juste pour la scène de course-poursuite entre les araignées sauteuses et les motos, allez-y. C'est très très drôle. Ça envoie du pâté au croix en croûte. Maintenant, c'est un truc, je trouve le film un peu poussif quand même par moment. C'est juste ça. Je pense que c'est ça qui résume en fait. Il est un peu poussif. Peut-être. Mais il y a des araignées qui grognent. Je veux dire quelques anecdotes à la volée. Évidemment. Donc une suite avait... Donc j'avais déjà quelques anecdotes, mais j'ai déjà balancé, donc comme quoi il s'appelle Arak Attack. Il aurait dû s'appeler Arak Attack en VO. Un tiers du budget, c'est parti pour les effets spéciaux. Ouais. Le chat, c'est du Kung Fu, voilà. Putain. Oui, ça se voit un peu, mais bon. Avec des gros bruitages à la roussie. Wouah. Voilà. Alors, une suite avait été annoncée par le producteur du film, qui est Dean Devlin, qui est le producteur attitré des films de Roland Emmerich. Qui est son gros pote d'ailleurs. Et d'ailleurs, c'est pas lui qui a réalisé Geostorm ? Je crois. J'ai un doute. Je crois. Attends, je te laisse continuer, je vais vérifier ça tout de suite. Il avait annoncé donc le retour entre autres de LKM et de Arquette, mais rien n'a suivi. Voilà. C'est bien lui. Ok. Trois membres de la famille, donc les trois membres de la famille, donc la mère, la fille, je pense, Scarlett Johansson et le gosse, ont tous les trois joué pour Marvel. Comme on l'a dit, Scarlett, bah, c'est Black Widow. Oui. Voilà. Le gosse a joué Daredevil enfant dans le film... Daredevil avec Ben Affleck. Le film avec Ben Affleck. Et la mère a doublé le personnage de Maria Hill sur beaucoup de productions animées Marvel. Voilà. Bien vu. Ok. Alors, pour le voir, il existe en DVD en France. Il existe en DVD en France, il existe en Blu-ray au Canada et aux États-Unis. Ouais. Il me semble. Et il est dispo sur HBO Max. Il est dispo sur HBO Max. Voilà. Et on arrive donc au dernier film de la sélection. C'est ton tien, je te l'ai dit. C'est le mien. Alors, dernier film qui, cette fois-ci, a été... Donc, c'est moi qui l'ai proposé. Ouais. Parce que j'avais envie de le revoir. Voilà. Suggéré par Tanguy du compte Fred Spooky. Fred Spooky, exact. Alors, donc c'est The Autopsy of Jane Doe, Jane Doe Identity. Je vais juste dire Jane Doe. Voilà. Ou Jane Doe Identity, c'est le titre que j'ai l'habitude. Donc, qui est sorti en 2016, il dure 1h26. Merci encore une fois. Merci Ovredal. Voilà. Alors, réalisé par André Ovredal. Alors, André Ovredal, alors, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on va le dire. Ça doit se dire un truc genre Ovredal. André. Voilà. Il avait été. Il avait percé avec Trollhunter, oui. Qui était un chouette film. Oh, c'est sympathique. Je t'avoue que des trois films que j'ai vus, c'est celui le moins, je pense. Bah, mais, c'est le plus faible, mais je trouve qu'il arrive quand même, dans le genre du found footage qui s'essoufflait un peu à l'époque, il arrivait à remettre une petite dose de nouveauté. Oui. Ça se refuse pas. Après c'est de la folklore hein, aussi. C'est, Moi, j'aime bien. Oui. C'est aussi mon petit point faible. Et il a également réalisé Scary Stories to Tell in the Dark, qui est un film à sketch qui était sorti. Mais qui était sorti en 2019. 2019, je crois. Ouais. Et il est actuellement sur l'adaptation de Marche ou Crève de Stephen King. Donc, c'est André, si jamais tu te rates, c'est moi qui te crève. C'est mon bouquin préféré de Stephen King, je trouve. Incroyable. Mais. Ça marche ou tu crèves. Je sais pas s'il est adaptable. Ouais, on en avait parlé déjà plusieurs fois. Ouais. Ensuite, alors. C'est un script qui a longtemps été sur la blacklist à Hollywood. C'est un script qui est écrit par Yann B. Goldberg et Richard Nating, qui ont aussi écrit Eli sur Netflix, donc de Karan Foy, dont on parlait juste avant hors antenne. Eli, très chouette film. Je dis Karan ou Ciaran, mais... Eli sur Netflix, très chouette film. Allez-y, bon, c'est une chouette proposition. Alors, donc, le script était sur la blacklist depuis 2013. Quand même, en fait, Ovredal, après son... après son film Trollhunter, qui s'était quand même fait remarquer en festival, voulait aller aux États-Unis, il voulait percer... Et il a voulu faire un film de... Il voulait chercher un script de pure terreur. C'est pour ça qu'il s'est penché sur la blacklist, voir ce qu'il pouvait trouver. Alors au casting, on a Brian Cox, qu'on a vu dans Her et dans Zodiac. À la base, ça devait être Martin Sheen, mais il a refusé. Et on a aussi alors un autre bonhomme, alors comment dire ? C'est un bonhomme à qui on a tenté de donner une carrière dans les années 2000 pour une raison que je ne m'explique pas, c'est une espèce d'endif sur pattes. C'est Emile Hirsch. Alors Emile Hirsch, c'est quand même Into the Wild, hein, qui est quand même un film... comment dire ? On vit dans une société, mec. On vit dans une société de ouf. Ah ouais. Et Speed Racer, qui est pas un mauvais film, mais alors lui dedans, faut le tarder quoi. J'ai très envie d'en Speed Racer. J'ai un pote qui me dit, mec, c'est excellent. un très bon film. Même si certains effets visuels sont dégueulasses, mais les scènes de course sont incroyables. Et en fait, Emile Hirsch, c'est un peu comme Aaron Paul dans les années 2000. C'est-à-dire qu'on a voulu lui donner une carrière. Je sais pas pourquoi, mais alors Emile Hirsch, il est mauvais, mais il a tout le temps été mauvais. En tout cas, moi, j'ai jamais vu un seul rôle où il est mauvais. Un qu'on a vu récemment dans Duel. Dans Duel et... Duel de Ray Liotta. Ouais. Qui est pas mal dedans. Sympa, oui. Bah, ça lui va mieux, on va dire. Avec Karen Gillan. Ouais. Donc Nebula. Qui est très bon film, Duel, si vous avez l'occasion. Alors, musique. Alors, la musique, on a Sander Jurians et Danny Bensi, désolé si j'écorche leur nom, qui ont fait des musiques assez chouettes, qui ont fait Enemy, The Lodge, ou The Devil All The Time, ou l'horrible Countdown. La photo, c'est par Roman Ozin. Alors, juste, tu parlais de la musique, je vais juste vite fait un aparté sur Arcatec. Un truc que je trouve très intelligent dans Arcatec, c'est le fait d'utiliser le thème de l'araignée gypsie. Oui, ça c'est marrant. C'est qui aussi plusieurs fois. Surtout dans les scènes angoissantes, genre la scène de l'araignée dans la chambre de Cyrus. Ce qui me confirme que le bonhomme voulait plutôt faire une comédie horrifique. Oui. Parce que tu vas pas utiliser ça pour un film sérieux. Oui. Et donc, alors la photo, on a Roman Ozin, donc Pride and Prejudice. Bon, déjà la photo, ça se pose là. Scary Stories, qui est une photo très bien. Et également un film, Sarah Michel, je t'aime. The Return de Asif Kapadia, qui est un très très mauvais film. Mais il y a Sarah Michel Gellar, je suis toujours obligé de le citer. Alors. À nouveau, synopsis, je l'ai pompé sur internet comme toujours. Alors, quand la police leur ramène le corps immaculé d'une Jane Doe, c'est un peu comme John Doe, c'est le nom qu'on donne aux gens qui n'ont pas d'identité aux États-Unis. Tommy Tilden et son fils, médecin légiste, donc son fils joué par Emile, pensent que l'autopsie ne sera qu'une simple formalité. Au fur et à mesure de la nuit, ils ne cessent de découvrir des choses étranges et inquiétantes à l'intérieur du corps de la défunte. Alors qu'il commence à assembler les pièces d'un mystérieux puzzle, une force surnaturelle fait son apparition dans le crématorium. Merci Google pour le résumé, ça ne se voit pas. Toi, alors, Jane Doe, j'avais un peu peur de le revoir parce que, je vais outer ça tout de suite, les films de possession, je suis très mitigé. C'est-à-dire que soit ça passe, mais vraiment, je rentre dedans et j'adore. Je pense à The Medium, sorti il n'y a pas longtemps, qui est un film que j'aime énormément, qui est un film de possession. Soit ça casse, et les films de possession où ça casse... J'ai énormément d'un. Il y a assez peu de films où je suis mitigé. Je pense à Véronica, dont on avait parlé dans le troisième épisode, je crois. Épisode 5, c'était le troisième. Oui. Troisième, ouais. Qui est un film qui. J'étais mitigé, mais souvent des films de possession, chez moi, ça casse. Je pense récemment à Une Proie pour le Diable. La Proie du Diable. J'en pouvais plus de ce film, j'avais envie de péter mon Est-ce qu'on parle des dossiers secrets du Vatican ? Non, on n'en parlera pas. J'ai vu en salle à l'époque ce truc-là. Très mauvais, très très mauvais, qui est fait par un des deux, Neville Day, je crois que c'est fait par Tyler, je crois. Peut-être. Qui est très mauvais, avec Michael Peña en prêtre. Donc, faut concevoir un Michael Peña en rôle sérieux. Non, si tu veux un vrai mauvais film sérieux, La Marque du Diable. Oh, quelle merde! Ah, quelle merde! Bah écoute, quelle j'ai merde. Envie de te dire que c'est Diego Cohen, t'en as voilà. Mais voilà, bref, tout ça pour dire, moi, c'est des films de position, j'ai beaucoup de mal. Mais Jane Doe, c'est pas un film qui me fait peur. C'est pas un film que je trouve très efficace. Et si vous arrivez à passer. C'est Neville Dean. Neville Dean, pardon. Si vous arrivez à passer le problématique Emile Hirsch, on dira peut-être que toi, ça t'a pas gêné, mais moi, j'arrive pas à ce mec. Bon, en fait, il me laisse indifférent, quoi. En fait, je trouve que le film déjà est vraiment bien filmé. C'est-à-dire, dès les premiers plans, on sent qu'il y a une maîtrise derrière, que Vrondal, c'est pas un manche. Et il y a même certains plans qui m'ont rappelé le premier Fantasme, qui est moi un film que j'aime énormément. Alors, pas dans l'extravagance du crématorium, mais plus dans la façon de. Tu sais, genre. Déjà, il filme les couloirs comme Shining, donc pourquoi pas. Mais je trouve dans la façon d'agencer ton crématorium, dans ces espèces de transformer un lieu pour les morts en lieu hanté par les morts. Je trouve qu'il y a vraiment des trucs à la Fantasme. Après. Le film est efficace dans sa mise en scène de la peur, mais ça va pas très loin et ça n'échappe pas à quelques facilités. Il y a quelques jumpscares un peu putassiers quand même. Mais qui marche bien. Et qui marche bien, ça va. Et alors, à nouveau. Je veux dire juste un truc sur le jumpscare, c'est que beaucoup de gens disent le jumpscare c'est facile, le jumpscare ne va pas sans une construction avant. Voilà, c'est ça. C'est voilà. Un bon jumpscare, ça se construit, faut savoir le faire. Maintenant. Le jumpscare n'est pas une facilité de mise en scène. J'ai toujours tendance à me dire quelque chose quand même, c'est que le jumpscare. Si ton jumpscare est tout le temps ta finalité, c'est un aveu d'échec. Parce que tu as besoin. Pour moi, tu n'as pas besoin forcément d'un jumpscare pour faire peur. Voilà, c'est-à-dire James Wan, par exemple, est un mec qui fait plus peur par l'appréhension de son jumpscare voilà, que par ça. Le jumpscare. Exactement. Et c'est en ça que James Wan est un génie. Il y a de ça, par exemple, mais je dans la chronique que j'avais écrite sur Annabelle 2, genre. Putain, je suis fort, je m'auto-connecte. C'est-à-dire que donc c'est le bonhomme qui avait fait Shazam, j'ai plus son nom en tête. David Sandberg. David Sandberg, qui est. En qui j'ai eu confiance pendant genre 10 minutes, jusqu'à Shazam en fait, qui justement, c'est-à-dire que Annabelle 2 fait un peu peur par son appréhension du jumpscare, mais étant donné que chaque jumpscare est ta finalité, bah une fois qu'il est passé, tu sais que ça va. Et c'est ça en fait mon problème avec le jumpscare, c'est que quand le jumpscare est une finalité, alors bah, justement je sais qu'une fois qu'il est passé, ça va. Voilà. Je pense un film récemment qui m'avait, moi, fait ultra peur, on l'a vu ensemble, c'était Deadstream. Deadstream, oui. Et Deadstream, alors en plus d'être un excellent film, lui, il est dans mon top 2022. Si on fait, je crois qu'il est top, il est top 2 de mes films d'horreur de l'année. Et en fait, ce que j'adore dans Deadstream, c'est que le jumpscare n'est absolument pas une finalité. Parce que tu as un jumpscare et tu sais que derrière, ça continue encore bien. Ouais. Et c'est en ça que je trouve Deadstream assez admirable. Et là, c'est mon petit point avec Jane Doe, c'est que dès que tu as un jumpscare, tu sais qu'après, ça va, tu peux souffler. Ouais. Et par exemple, c'est ça aussi que... Bah, on divague, mais c'est aussi mon problème avec les derniers ça. Joli. Les derniers ça, c'est que derniers ça monte même plutôt bien. T'as un jumpscare du clone, c'est terminé. C'est-à-dire que. Oui, je pense notamment à la scène de sous les gradins dans le 2. Exactement. Et bah le 2. Elle est géniale cette scène. Le 2 est symptomatique de ça. Parce que le 1, t'as à peu près ce que. Tu vois, la scène dans la maison du 1, t'as ce côté où, bah, où ça pousse. Ouais. Le 2, chaque jumpscare est un payoff. Et tu peux en mettre un ou deux, mais moi c'est quelque chose qui m'énerve. Conjuring 1. N'a pas ça. Conjuring 1, le jumpscare n'est pas pour tous, mais n'est pas tout le temps un payoff. Là où Conjuring 2 a un peu plus ça. On parlait d'impression de jumpscare, il y a deux scènes, moi, une dans chaque Conjuring que je trouve mais glaçante. Il y a la scène du tap cash. Oui, Alors, pas celle dans le noir avec la daronne avec la lunette, celle où la daronne a les yeux bandés et avec les mains qui sortent de l'armoire. Qui fonctionne bien. Celle-là est brillante. Et dans le 2, la scène avec le tipi. Oui, ça avec le camion du gosse. Mais à nouveau, parce que là, le jumpscare. N'est pas une finalité. Oui. Là où dans le 2, t'as le problème, c'est par exemple la scène de la nonne avec le tableau, que moi, je trouve trop bien, mais une fois que le jumpscare est fini, ça va. Et c'est un problème avec Jane Doe. On divague sur le jumpscare, vague. Vague sur le jumpscare. Mais c'est pour ça que je trouve que... C'est pour ça que moi, je suis pas contre le jumpscare. Je suis contre le jumpscare en tant que finalité. C'est ça le truc. Et surtout, si jamais tu ne sais que construire et faire de jumpscare, arrête le cinéma. C'est genre... Surtout quand ton jumpscare n'est pas amené, quoi. Ouais, ça, bah, James Wan, par exemple, je pense à Dead Silence. Dead Silence, moi, me terrifie. Ah, parce que t'as pas tant que ça de jumpscare. Et parce que juste l'ambiance se suffit. Et là, par contre, Il y a ce plan dans la chambre d'hôtel avec Billy. Ah, qui met mal à l'aise. Avec le néon rouge. Ah, il met mal à l'aise. Tourne les... Oh putain. Ah, mais James Wan, je prends Dead Silence. Hein. Mais en gros, et là, sur Jane Doe, c'est quelque chose que je trouve bien, c'est qu'il y a une mise en scène et il y a un scénario. On a parlé du scénario. Bah, le scénario, c'est quasiment un espèce de film d'enquête. C'est ça, ouais. Qui, alors. La première fois que je l'ai vu, j'avais adoré. La deuxième fois que je l'ai vu, j'ai un léger problème. C'est que la fin, je la trouve un peu, entre guillemets, expédiée. C'est-à-dire que ça monte, et d'un coup, la fin, ça prend 10 niveaux. Ça te fait genre, ah, en fait, c'est ça. Et j'avoue que moi, j'ai un peu de mal à récupérer le coche derrière. Mais ça reste quand même un film dans lequel je prends pas mal de plaisir. Toi, Jane Doe, c'est un oui. Gen 2, c'est un oui. C'est-à-dire que Gen 2, je l'avais découvert en salle à l'époque, en 2017. Je suis jaloux parce que je pense qu'en salle, ça doit beaucoup mieux marcher que sur un écran. C'est vrai. Je pense, parce que, étant donné que le film est quasiment huis clos dans la morgue, et étant donné que je pense que ça doit plus fonctionner en salle, ce côté huis clos qui t'enferme dans la morgue avec eux. C'est vrai. Mais ouais, donc découvert en salle à l'époque et revu pour l'occasion. Ça faisait du coup plus de 5 ans que je l'avais pas vu. Ouais. Mais du coup, Jane Doe, oui, c'est un gros oui, c'est-à-dire que Ovredal, André, Dédé. Dédé, c'est un mec que... C'est un bon faiseur. Voilà, j'avais beaucoup aimé son Scary Stories, vraiment. Qui est chouette, il prépare une suite aussi. Scary Stories, tout, Tell in the Dark. Voilà. Mais c'était chouette, Scary Stories, c'était chouette. Ouais, vraiment chouette. Mais après, il y avait Del Toro à la prod, donc... C'est ça. Del Toro qui a roulé sur l'année 2022. Hein. Oui, bah sur la fin d'année. Sur la fin d'année. Ah, surtout. Ah, oui, Nightmare Alley, c'est. Nightmare Alley, c'est janvier. Après, il a produit Freaks Out. Après, Ouais. Donc tu dis Spider-Man. Et Pinocchio. Voilà, il a roulé sur l'année, Del Toro. En plus, Pinocchio, il a sorti la même année que le Zemeckis. Ah, pauvre Zemeckis. Ah, or, j'en suis mérien. C'est ça. Se dit. Chais. Scary Stories, vraiment, c'est chouette. Surtout, il a bidé en salle, je crois. Donc, il y a des salles en France. Et donc, bah, si vous avez l'occasion, Scary Stories, revoyez-le. C'est vraiment une belle proposition. Voilà, et donc Jane Doe, je l'ai revu pour l'occasion. Et bah oui, grand oui. Parce que Jane Doe, bah, c'est une histoire simple et efficace. Hein, voilà, ça cherche pas la complexité. C'est un high concept, c'est un pur high concept. Mais c'est mis. C'est raconté de manière simple et efficace. C'est-à-dire que autopsie, corps, enquête, ça tourne mal, explication. Prank, je vous explique tout. Mais en fait, là où tu es simple et efficace, ce qui est amusant, c'est que c'est un pur film high concept. D'autant plus qu'on est dans une époque aujourd'hui où un film a besoin d'un high concept pour se vendre. T'as besoin d'un pur concept, ou alors d'un effet de mode, je sais pas, mais vraiment d'un concept pour te vendre. Et Jendo, il a fait 189 000 entrées en France. Ça va. Et tu vois, c'est ça en fait, c'est vraiment un corps dans une morgue, on cherche à savoir ce qui s'est passé. C'est vraiment un pur high concept, mais qui est développé et surtout qui est amené de façon assez intelligente, parce que pour moi le pire concept que j'ai pu voir, je pense, c'est Countdown, qui est vraiment l'archétype du film à concept qui se casse complètement la gueule. Non, mais on parle quand même d'un film où le démon se fait pirater. Voilà. Et là où Jane Doe, c'est un film qui est radical, qui a un scénario radical qui va s'y tenir. Je trouve juste qu'il manque de fluidité dans son évolution narrative, parce que Pour moi, le film, il faudrait qu'il soit très, entre guillemets, fin, sur toute la ligne. Dans ce cas-là, tu restes très délicat dans ce que tu vas montrer. Ouais. Soit tu pètes un câble un peu plus, pas un peu plus tôt, mais tu vas un peu plus courageux, quoi. Ou un peu plus crescendo, c'est-à-dire que là, ça fait... Voilà. Ouais, là, c'est vraiment, tout va bien, et voilà. Parce que vraiment, la fin, c'est... Ah, en fait, voilà, c'est ça, et c'est terminé. À noter aussi, à la fin, il y a quand même un twist interdit, faut le dire. J'ai tout rêvé depuis le début. Enfin, depuis le début. J'ai tout rêvé. Bah, c'est pas vraiment... J'aime pas cette twist-là. C'est pas vraiment ça, dans le sens où c'est... Il a halluciné toute une partie de la fin. Non, tout le monde crève à la fin. Oui, tout le monde crève. Ce que je veux dire, c'est que lui imagine pouvoir s'en sortir, il se dit « Ah, je vais y arriver, etc. » Oui. Et il meurt. C'est juste... Moi, j'aime pas ce genre de twist. Après, c'est très personnel. C'est vraiment... Je trouve ça très facile, en fait. C'est juste ça. Mais, moi, il y a une scène qui m'a fait rire. Quand même, c'est la scène où il pense tuer un démon. Et en fait, il a buté sa meuf. C'est con, mais je veux que moi, ça m'a fait marrer, quoi. Tu te dis, ah, c'est marrant. Oh. Voilà. Et aussi, à savoir, sur Jendo, détail amusant, c'est pas un mannequin sur la table d'opération. C'est une vraie actrice ? C'est une vraie actrice. Ok. Elle a pas fait grand-chose d'autre. J'ai plus son nom, je vais retrouver son nom à l'instant. Mais voilà, en fait, c'est une vraie actrice, parce que Ovredal voulait... Enfin, André voulait une vraie proximité humaine de la part du spectateur. Ok. Pourquoi pas? Et donc voilà, alors l'actrice s'appelle Olwen Catherine Kelly. Elle a fait 3 autres films. Elle est, ma foi, plutôt jolie. Mais voilà, donc faut imaginer que vous voyez une vraie dame sur cette table d'opération. Oui. Voilà. Maintenant, Jane Doe, est-ce que c'est le film préféré Est-ce que c'est mon préféré de son réal? Moi, c'est Scary Stories. J'avoue avoir aussi une grosse sympathie pour Scary Stories. Mais je pense qu'il arrive en deuxième facile. Oui. Après, pour revenir sur Jane Doe, il y a évidemment toute la thématique de la sorcellerie qui est présente dans le film, c'est-à-dire que, en gros, c'est un film qui va dénoncer les procès de Salem. Et qui est enfin traité de façon à peu près subtile. Voilà, c'est-à-dire que, en gros, le pitch, c'est que Jane Doe, on ne connaît pas les autres, donc on va appeler Jane Doe, était une femme qui s'est faite juger pendant les procès de Salem, mmh. qui était innocente, mais le fait d'avoir été condamnée à mort pour sorcellerie si elle n'était pas, a fait d'elle une sorcière. La transforme en sorcière. Ce qui est d'ailleurs un twist plutôt malin. Oui. Parce que ça t'évite le « Ah, depuis le début !» Voilà. C'est pour ça que je dis que le film traite enfin ce sujet de façon subtile et surtout inattendue. Parce que voilà. La sorcière de Salem, on en a vu des tas. Ça fait du bien. Et surtout, il y a... Bah, et pareil, du coup, il n'y a pas de motivation à la con, genre « On veut buter tous les hommes », c'est... Le fils demande au père pourquoi elle s'en prend à eux, et le père répond juste... Pour la même raison qu'elle a buté les gens qu'on a retrouvés dans la maison, on était sur son chemin. Ouais, c'est juste ça, c'est juste on est mauvais endroit, mauvais moment. Et aussi, ça c'est aussi un truc que j'aime dans le film, c'est le côté on va pas expliquer. On va pas expliquer, c'est juste t'étais là, pas de bol. Voilà. Voilà. Donc ça fait du bien de voir ce genre de film. Et si vous voulez aller plus en profondeur sur ça, je vous ramène à l'analyse de Judith, aka Demoiselle d'Horreur. Excellente chaîne, excellente vidéo, allez-y. Non, voilà. Mais Jane Doe aussi a précisé sur Jane Doe, quelque chose qui est bien, c'est que il est radical dans sa facture technique. Oui. C'est un film qui est extrêmement froid visuellement. Et la froideur va aussi avec le fait de ne jamais sexualiser justement le corps de Jane Doe, qui bah, est littéralement un corps. Voilà. C'est présenté comme. On n'est pas dans Nécromantique, mec. On n'est pas dans Nécromantique. Non, mais c'est littéralement un corps. Là, c'est un cadavre, mais donc voilà. Mm-hmm. Mais on a beau avoir une vraie femme nue sur le tournage. On va jamais avoir. C'est ça, c'est-à-dire que tu peux montrer ses seins, mais tu montres ses seins comme tu montrerais n'importe quelle partie de son corps, comme tu la montres se faire découper pour l'autopsie. Voilà, ouais. C'est jamais sexualisé. Tu dis pas, oh lol, elle a des boobs. Tu dis. Ou alors, si tu voilà. dis ça, c'est que tu as vu Nécromantique 1 et que tu as passé un bon moment. Mais non, là, je suis d'accord. C'est horrible, Nécromantique 1. Moi je déteste pas, mais je préfère le 2, J'aime pas le 2 non plus. Mais ce qui peut se comprendre, mais c'est des films très radicaux. Mais Jane Doe, en fait, veut dire que la facture technique est extrêmement froide. C'est pas un film qui va être très... qui vous invite, on va dire, à venir le voir. Maintenant, moi, un autre défaut que je donnerais quand même, c'est la musique, qui est vraiment pas terrible. Je savais qu'il n'y avait pas du tout marqué. Bah justement. Mais voilà, mais Jane Doe, ça reste un film chouette, et surtout, on va pas se mentir, dans la vague de films d'exorcisme des années 2010... Enfin, de films de possession, je généralise ce cas-là, ça reste quand même un des plus originaux. Parce que je pense à The Taking of Deborah Logan. Il y en a un que j'aime bien dans le tas, qui est pas incroyable, mais que je l'aime bien, c'est L'Exorcisme d'Anna Grace. Ah, je l'avais pas du tout aimé. Moi, je trouve ça... Dans la morgue, là. Je l'ai vu une fois. Bah, je l'ai vu en salle à l'époque, j'avais détesté. Hein. Je l'ai vu une fois, après je l'ai sorti, je crois, vraiment genre décembre 2018, je crois. Je l'avais trouvé sympa. Après, peut-être que si je le revois, je vais détester. J'ai trouvé ça, je pense vraiment. Mais ça, après, il y a aussi eu The Devil's Hour, je crois. Pas The Devil's Hour, le truc avec la nonne aux yeux blancs. Je sais plus, sur la fiche, t'as une nonne aux yeux blancs. Enfin bref, des films de possession dans les années 2010, il y en a eu plein. Même récemment, The Medium et Incantation. Que j'ai pas encore vu, mais qui, de ce que j'ai lu, a l'air d'être un peu comme ça. Bah, et surtout, c'est long, quand ça dure 2 heures. Pour des fans footage, c'est trop. Il sera dans mon bilan, je sais que je dois le voir, je retarde le moment. Et donc voilà, mais bref, Jane Doe, où est-ce qu'on peut le trouver? Jane Doe, bah, il est sorti en Blu-ray en France. Blu-ray DVD, il se trouve là. Blu-ray DVD en France. Et sinon, il est sur une plateforme. On n'a pas trouvé sur ça, en tout cas. Et DVD, Blu-ray, facilement trouvable en France. Voilà. Et donc on approche déjà de la fin de l'épisode participatif, c'était ma foi fort sympathique. Peut-être qu'on en fera d'autres. J'espère qu'on en fera d'autres. Continue à proposer de la qualité, genre... On va attendre quelques mois, que la communauté grandisse. Voilà, comme vous le souhaitez, mais n'envoyez pas trop de merde, s'il vous plaît. Genre vraiment, c'est pas envie. Mais n'hésitez pas à réagir à nouveau, parce que on a des avis un peu goofy, un peu rigolo, mais... On dit parfois de la merde, parfois beaucoup de la merde, voilà. Mais c'est amusant, ma foi, on s'amuse beaucoup, on passe toujours des bons moments. N'hésitez pas à nous dire si vous aimez Arc Attack, parce que je serais très content. Oui, Arc Attack, oui, non, n'hésitez pas à donner des avis aussi sur The Faculty, cynique, honnête, à vous de voir. Et également, pour le prochain épisode, du coup, bon, on l'a complètement outé, voilà. Big John sera peut-être l'épisode le plus simple à voir. Maintenant, faudra voir quelle sélection on fait, est-ce qu'on fait la sélection, on va dire, évidente. Mais c'est trop facile. Ou alors, est-ce qu'on va sur l'aspect moins connu de Big John. Un peu creusé. Maintenant, on va. Bon, j'ai fait la blague hors antenne en disant que j'allais prendre The Ward. On va peut-être pas pousser jusque-là. Hein. Bon, parce que bon, The Ward, c'est pas. Voilà. C'est pas. Voilà quoi. Après, on va se concentrer sur la carrière fantastique de Carpenter qui est à peu près toute sa carrière. Ouais, on va pas faire Elvis. C'est ça, mais je crois que Elvis, c'est son seul film qui soit pas fantastique. Je serais tenté de te dire Assaut. Ah, ça sonne comme un film d'horreur. Oui, à des codes de film d'horreur. Non, je suis d'accord, mais on va dire que techniquement, c'en est pas. Ça a des codes et ça reprend tout, mais techniquement, ouais, c'en est pas. Après, il était dans ma sélection du dernier Horror de Festival. Toujours. Voilà. Et voilà. Mais donc, voilà, ce sera Big John, et après, on va reprendre l'épisode tranquille, on va reprendre le rythme tranquillement. On a déjà des prochains thèmes en tête. Donc, voilà, n'hésitez pas à réagir, tout comme vous voulez. Merci encore à vous. Suivez l'Instagram, il sera toujours dans la description, évidemment. Et si vous voulez qu'on refasse un épisode participatif au plus vite, n'hésitez pas à le redemander, à proposer des choses. On va sûrement essayer d'ouvrir régulièrement, voir s'il y a des propositions qui arrivent. Mettez des trucs trouvables, pas forcément des trucs très connus, mais trouvables. Et je pense qu'on peut le dire, on est prêt à voir de la saloperie, moralement, tout ce que vous voulez. Mais, genre, A Serbian Film, si un jour il est proposé, perso, je le refuse. Parce voilà, que, moi aussi. Juste dire c'est dégueulasse, lol, c'est pas intéressant. Oh, mais il y a un contexte politique de la guerre de Serbie. Je refuse, c'est pas voilà. Un film politique. En revanche, si vous proposez n'importe quelle catégorie 3, sachez que je le prendrai directement. Non, ce que je veux dire, c'est... C'est juste que j'y connais foutre rien en catégorie 3. Ce que je veux dire, c'est que là, Caniche, on l'avait pas pris parce que... on a des moments, on n'a pas envie de parler de tout, on va dire ça comme ça. Mais, je veux dire, c'est qu'on peut parler de toutes sortes de films, même des Necrostorm, perso, je peux prendre. Mais faut qu'il y ait un intérêt, on va dire, à en parler. C'est-à-dire que Serbian Film, c'est pas très intéressant. Voilà. Ou même Trauma de Lucio Rojas, le truc chilien là. Ah oui. Ça, ce serait peut-être un peu plus intéressant, mais c'est une espèce de réponse chilienne de Serbian Film. Bref, voilà. Des films où. Il y a un Centipede à la limite, genre le 3, ce qui est drôle. Ouais, on est en désaccord, hein, mais j'ai au moins des films où il y a de l'intérêt derrière. Maintenant, si vous me reproposez de la pisserie des années 80 faite par des Italiens, je prends ça à l'appel. Même faite par des ricains, hein, c'est... Ouais, faite par des... Proposer du slasher... Proposer du sympa, du moins connu... Du prosthétique. Du trouvable. Juste du trouvable, s'il vous plaît. Parce que, bon, on veut bien fouiller Internet, mais on a des vies à côté, quand même. Et donc, voilà, donc écoutez, merci encore à vous d'avoir écouté. Merci à toi, Roman, toujours. Et merci à toi, Quentin. Et on se retrouve dans 2 semaines, du coup, avec l'épisode Big John. Et on ne va pas dévoiler tout de suite l'épisode de 2 semaines plus tard. Je donne plus, je crois qu'on ne l'a pas encore. On l'a pas encore. On a des idées, on a un Word avec tout plein d'idées, mais voilà. Merci encore à vous, et à la prochaine, tout simplement.